Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. On va avoir des petits soucis techniques ce soir. Je vous cache pas qu'il y a des tempêtes partout en France. Mais internet nous troll un peu d'ailleurs. Ouais, c'est un truc de ouf. On est toujours en direct hein, aussi sur les streams et apparemment ça va, mais sur le site on peut pas nous entendre d'eau de radio. Et sur TuneIn aussi, il y a des petits soucis. Ah. Donc j'espère que sur la bande FM ça fonctionne. Mélanie, tiens, si tu nous écoutes, est-ce que tu pourrais m'envoyer un texto pour me dire si on m'entend bien, si on nous entend bien sur la bande FM, parce que là c'est la tempête. Je vous cache pas qu'en arrivant à la radio, j'ai été obligé de monter sur le toit et de réparer l'antenne avec mon marteau boule. Et j'ai franchement marteau boule. Ça a été la grosse galère. Oh le mec. Ça a été la grosse galère, mais en tout cas tout est rentré dans l'ordre. Au moins tout marche bien navette ici. Bon bref, tout le monde va bien? Oui. Oui. Très bien. Équipe réduite ce soir. Kogu qui a encore la grippe, mesdames, messieurs. Un truc de, une carabinée de ouf. Hein. Ouais, ah oui, ça s'entend dans les streams. On pense à toi, mon Kog. Ah ouais, carrément. Et puis Eki qui a du boulot. On devait avoir Tagazu faire son intronisation. Ce sera la semaine prochaine, en fait. On attend que tout le monde soit là dans l'idée, pour que ça soit plus marrant. Donc voilà. Bref. Ah, ça fait plaisir. On est mardi. Il est 19h, et ça c'est cool, on va parler de jeux vidéo ensemble, n'hésitez pas, alors là j'ai plein de dédicaces à faire, surtout une très grosse, parce qu'on a oublié la semaine dernière, mais n'hésitez pas dès maintenant à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter pour laisser des messages, on lira tout en direct évidemment, comme chaque semaine. Je voulais commencer cette émission par faire un gros big up, une grosse dédicace à Eric. Ouais. Eric, ah oui. 1. Eric, hein, qui est un viewer qui suit les streams en direct, hein, comme en ce moment même. Alors je sais pas s'il est là, mais on fait des streams la journée, donc on stream des jeux vidéo et on fait les cons, on discute et tout. Et puis on peut faire des dons. Vous avez possibilité de nous faire des dons en direct, voilà, via le PayPal. Et en fait, bah, cette semaine, il nous a fait 52€ de dons. À coup de 10€ à chaque fois, et on l'en remercie. Ouais. Grâce à lui, on va pouvoir se choper Street Fighter V qui sort mardi prochain. Et comme ça, on pourra le tester dans l'émission, bien sûr, et faire des streams dessus et se foutre sur la gueule. Ah bah c'est sûr, mon copain. Ah bah dès qu'il y a de la castagne, de toute façon, mon copain. Ah bah c'est vrai. Hein. Ah bah c'est un truc de fou. Donc et franchement, gros merci à lui, à Eric. Il y a Moumout et John aussi qui nous font des dons. Et Raptou, on les remercie aussi, ça fait vraiment plaisir. Grâce à ça, et ben, on est transparent avec vous. On peut s'acheter de la coke et à l'eau, pute. Voilà. C'est Je ça. Tiens à ce qu'on soit transparent toujours dans la voie du geek. Non, mais voilà, comme ça nous permet d'acheter des jeux et puis aussi de faire un petit peu de publicité parce que ça coûte une petite fortune. Les publicités Facebook, par exemple, sont pas données et ça attire beaucoup de monde. Alors c'est vrai que voilà, c'est très ciblé et donc pour nous c'est très bien et ça nous permet d'avoir un petit budget pub à mettre dedans. Donc voilà, merci à eux. En tout cas, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à faire comme eux. Je lance un appel s'il y a un Qatari qui nous écoute. voilà. Et si tu veux injecter de l'argent un peu dans un truc qui tient la route, qui va bien, hésite pas, mon copain. Bon bref, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine. On va se faire le test de Lego Avenger, qui est pas si mal, qui est pas si mal. Qui rattrape un petit peu le tir de Lego Jurassic World, qui était sorti cet été, qui lui était un accident industriel. On peut appeler ça. Eric, on vous expliquera pourquoi Eric. Bah Eric 1. Ben voilà. C'était lui qu'on attendait. On se fait ça, on va parler d'Agatha Christie aussi, The ABC Murder, que j'ai terminé en 2 jours, un petit jeu d'aventure bien sympathique. Et puis on va se faire un petit point. J'ai ramené un magazine, alors on va les citer, hein, c'est le magazine Video Gamer, qui ont fait un article qui s'appelle La guerre des exclus. Et je voulais qu'on en parle ensemble, machine par machine, ils ont décrit, il y en a 10. Hein. Toutes les exclus qu'il y aura console par console du côté de la Wii U, de la Xbox One ou de la PlayStation 4 et on va en parler ensemble parce qu'ils ont mis toujours une petite accroche dessus qui est assez marrante et je voulais qu'on débriefe ça ensemble. Donc on se fera ça. Je dis bonjour vite fait au chat. Vous pouvez parler hein, quand je voyais que je fais autre chose. Non, mais on pensait que t'allais enchaîner. En fait. Mais non, mais j'ai pas le chat dessus du coup. La vue qui baisse. Alors on embrasse John qui est là, Bilel, Eric 1 qui est là, tiens, l'amical du geek. Et puis j'ai vu d'autres personnes. Bisous. À tous, ouais. Salut. D'autres noms tout à l'heure. Salut à vous. Ils sont en direct, hein. Si vous voulez nous voir en vidéo, c'est twitch.tv/lavoixdugeek. Alors, comme je le disais aussi, tous les streams qu'on fait, on les met, sur YouTube. Voilà, sur notre chaîne YouTube, La Voix du Geek. Alors, c'est pas la chaîne YouTube, La Voix du Geek. C'est l'Infernal 33, tout attaché. J'ai pas eu le temps d'en créer une, on va voir. Parce qu'on est en train de créer un site internet de La Voix du Geek. Et on vous prépare plein de contenu. Il y aura pas que l'émission de radio. Oui. On vous prépare plein de surprises. Il y aura vraiment du contenu. Et donc voilà, l'émission de radio, vu qu'on passe des disques, que je vais vous donner dans un instant, eh bien YouTube mute les pistes. Donc tout ce que vous voyez là sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, c'est du direct et ça le restera. Après ça part dans les étoiles, mon gars. Ça part dans les étoiles avec les licornes, les arcs-en-ciel. Alors je suis assez inquiet parce que, alors peut-être que Mélanie n'écoute pas parce qu'elle m'a pas... Ah si, elle m'a envoyé un message et elle me dit... Ta gueule, tu parles de trop. Non, c'est pas... Oui, ça marche, elle me dit. Tout marche bien, navette. Bon, on nous entend sur la bande FM, c'est un bon début. C'est déjà pas si mal. Et sur le stream, ça a l'air d'aller. Alors, il y a Régis aussi. Tiens, Régis Hoc. Bon, bref, j'ai pas passé le temps à citer tous les gens du stream, du chat. Mais bref, évidemment, on va s'écouter du son. Tiens, à la nuit, on s'écoute Dion Tood avec Baby on Fire. Oh yeah. Yeah. Bébé sur le feu. Traduction. Non, non, bébé sur le feu. Tintin. Alors moi, quand il dit ça, je l'imagine, il l'attrape et il lui pose pour la pécho et il lui pose les fesses sur un feu. Tu sais, sur une table cuisante là. Comment on appelle ça? Oui, une gazinière. Une gazinière. Oui. Oui. Et après la bébé en fire. Tous les quatre fantastiques, tout ça. Bon, bref. Ça fait délire. Et à 20h, on s'écoute AR Ferdinand avec Let Go. Exactement, ouais. C'est Goustic qui nous a choisi. Mais ça. Qui est très bien d'ailleurs. C'est un bon son, ouais. Alors vous allez voir, c'est un son où on va pouvoir chanter par-dessus, s'il n'y a pas de parole. Ah, c'est que de l'instru, ouais. C'est que de l'instru, bébé. Eh ouais, mon pote. Et il est là, il est beau, il est magnifique. Dandy est avec nous ce soir. Comment ça va, mon poulet? Bonsoir, ça va très bien. Ah, il a une coupe de cheveux. Quoi, un truc de ouf, quoi. Non, elle est très bien. Ça va. T'as l'impression que si t'arrives dessus en BMX, tu pars dans les étoiles aussi, mais. C'est un tremplin pour les étoiles, ouais. C'est un peu ça. La piste aux étoiles, même. Bon, ça va? Ouais, ça roule. Petite semaine, jeux vidéo aussi. Je me suis fait, ce dont on a parlé aussi la dernière fois. Et je ne me rappelle plus le nom du jeu, c'est super. Ah bah super. Ça valait le coup. Grim Fandango. Grim Fandango. Grim Fandango, quoi, t'as dit? Grim Fandango. Grim Fandango. Grim Fandrigo. Franck Rodriguez. Grim Fandrigo. Grim Fandango, qui est très très bien. Voilà. C'est chaud, hein. Je connaissais pas, mais c'est vrai que c'est chaud. Après, voilà, je l'ai platiné, mais il est vraiment très simple à avoir. Il est pas compliqué du tout, donc c'est pas vraiment un super mérite. Donc allez-y, hein, si vous êtes accro au trophée, prenez-le. Enfin, il était gratuit le mois dernier, donc là, c'est dommage, pour le coup, faudra le payer. Je crois qu'il doit pas être très très cher d'ailleurs. Je sais plus. Moi, je l'avais acheté une dizaine d'euros, je crois, et on l'avait eu en plus gratuit sur le store quelques mois après. C'est ça. Enfin, comme d'hab. Et puis, je me suis remis à Fallout pour le platine aussi. Voilà. Oh. Ouais. Le gars qui travaille pas, quoi. Ah bah écoute, hein, le chômeur. Faut bien avoir des médailles quelque part, hein. C'est... Voilà, c'est mon petit CV gamer, tu vois. C'est ça. Voilà. Et puis il est là, il est beau. Alors Goustic, oui. Je l'ai vu samedi. On a été aux portes ouvertes de l'école de Delki. Oui. Goustic en ce moment, mais mon gars, c'est l'oiseau de nuit, quoi. Il est arrivé, il a vu une tête samedi, monsieur fait la teuf, monsieur sort, monsieur saoule la gueule à l'alcool de pneu. J'avoue que c'est régulièrement qu'on le voit un petit peu fatigué. Comment ça va, mon Qu'est-ce poulet? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va très bien. Il prépare son départ, mon gars, pareil, ouais. Il a mis un tremplin, quoi, et wouah! Ah ouais, mais là c'est pas vers la galaxie, c'est vers la Belgique, tu vois. Et on embrasse Chris! On embrasse la libre antenne. C'est une émission belge, qui nous a suivi ce matin sur le stream, on l'embrasse, on lui avait dit qu'on le ferait. On essaiera de skyper, de faire un truc, voilà. Il parle du rock'n'roll dans les jeux vidéo, t'as vu? Ouais, exactement. Eh. Alors ça, c'est. J'espère qu'ils ont parlé de Brutal Legend. Vous vous rappelez de ce jeu? Non. Ah oui, avec Jack White. Ouais. Pas Jack White, Jack Black. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, ce soir où t'avais le héros, c'était un guitariste. Ouais. Un jeu un peu. C'était un beat'em all, je crois. Oui, c'était un beat'em all, ouais. C'était sur PS3 et Xbox 360. Aussi, ouais. Exactement. Yes. Bon, tu joues à quoi, toi? Alors, j'ai pas trop joué la semaine dernière, enfin il y avait un petit peu de Rocket League, hein, tu vois. J'ai les jeux... pas trop joué, mais j'ai bien joué. C'est plutôt demi-molle, mais grosse molle, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est le désert de Gobi si tu veux. Non, mais j'ai plus regardé des films. Là, j'avais regardé un film sur ça parle du rock'n'roll en plus, sur les trois guitaristes très connus. Il y a Jack White des White Stripes, il y a Jimmy Page de Led Zeppelin et le guitariste de U2. Ah oui, comment il s'appelle ce film? Et It Might Get Loud, ouais, en fait, c'est ça. Et c'était heureusement que tu l'as dit et pas moi, parce que ouais, non, mais c'est ça, il date en plus hein, et en fait pendant une heure et demie, bah tu vois les ces trois guitaristes, en fait ils font un buff et tout, ils expliquent leurs morceaux connus, en fait comment ils ont créé ce morceau là et au tout début ça m'a choqué, mais tu vois Jack White dans la pompouse américaine et le mec il te crée une guitare avec une planche en bois, une corde électrique et une bouteille de coca. Yes. Et le mec, enfin, il y a une son, enfin, c'est un son, le son de la gratte de Jimi Hendrix, quoi. Sérieux? Ouais. Putain. Donc moi, je vous le conseille. Regardez, si vous êtes fan de rock, regardez It Might Get Loud. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, on vous le conseille, It Might Get Loud. Et oui, bah alors, excusez de mon accent English. Non, je me moquais de moi. Plus, Et puis sinon, ce matin, bah, j'ai testé un tout petit peu Assassin's ouais. Creed Russia. Yes. Que je vous streamerai demain à partir de 14h sur la chaîne de la Voix du Geek. Yes, notez bien ça sur vos petits agendas Hello Kitty. Exactement, et ben c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc voilà, rendez-vous à 14h demain. Bon, ça pète. Mais t'avais un petit coup de gueule en plus à passer, je crois, non, sur la collection, le prix, y a pas un truc qui t'a chiffonné un peu tout à l'heure? Si. Bah ça je trouve ça dégueulasse, tu vois. Enfin, c'est en fait, si tu veux, au moment où j'ai acheté Assassin's Creed Russia, et bah juste à côté t'as vu le pack Assassin's Creed Chronicles, le pack des China, India, Russia pour 25€. Super, vive l'entube. Voilà, merci. C'est super, bravo. Merci Ubisoft, bravo. On peut les applaudir, bravo. Je vous embrasse de tout cœur. Ah, et c'est ça le business, c'est beau. Exactement. Enfin ça là, c'est du mauvais business hein, pour ce coup-là. Bah ouais, mais en même temps, bon, fallait s'y attendre. Et puis vu que vous me le demandez, eh ben. Comment tu vas, la Fernale? Très mal. À très quoi mal. As-tu joué? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Très mal. Je suis au bout du roule-masse. Non, c'est pas vrai. Cette semaine, j'ai fini Agatha Christie. Je vais vous en parler dans un instant. J'ai fini Lego Avengers. Je vais vous en parler dans un instant. Et puis je m'en vais. Je vous dis au revoir dans un instant. Au revoir. Non, je joue à Peggle. Peggle 2. Ah, j'ai vu ça. Oui, je me suis dit, mais il est pas. Je me suis dit, il doit être malade. C'est pas non, possible. Non, mais j'aime bien. Il doit vraiment se faire chier, tu vois. Bah, en fait, c'est ça. Oui, mais oui. Attends, je joue à Peggle, c'est ça, quoi. On voit mais le mec qui attend Street Fighter, quoi. Ouais, Street Fighter, pas trop, mais. Tu vois, ce genre de jeu gratuit sur téléphone. Mais je joue pas sur mon téléphone. Bah oui, mon téléphone, bon. Déjà, j'écris un texto. La tête de ma mère, j'écris un texto. Je vois pas ce que j'écris. Et genre deux secondes après, poup, y a tout qui s'écrit d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand il appuie sur son doigt, ça prend trois lettres en fait sur son ouais. clavier. Ah, hein, y a Mélanie et Mélanie qui nous dit c'est mardi gras aujourd'hui. On embrasse tous les gros et les grosses qui nous écoutent. Et les grasses. Et les voilà. grasses. Tous les gras et Christy les gros. Boutin, on t'embrasse. Et je reviens, je vais faire une tartine de Saint-Doux. Oh, mon Dieu. Et puis on fait une dédicace, hein. Je crois qu'il est sur le stream, mais on fait une dédicace à Eric hein, qui s'est lâché, qui ah, nous a ouais, fait ouais. 50 Merci euros toi, de dons cette semaine. Merci. Franchement, on l'applaudit, on l'applaudit. Bravo Eric. C'est un truc de ouf. Grâce à lui, je vais pouvoir changer de bateau cette année. Bon, bref. est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Bien sûr. Allez, oui. Qu'on passe pas la nuit à se présenter un peu. On est que deux. Voilà, j'ai le micro qui tombe. Je suis obligé de me suivre en direct. Allez, c'est Tipar. Allez, qui s'y colle? Allez, Dandy. Allez, c'est moi. Donc, je vais vous parler d'une nouvelle assez étonnante. Je vais vous parler d'Amazon. Alors, Amazon, c'est connu donc pour vendre en ligne tout un tas d'articles divers et variés. Mmh. Récemment, ils s'étaient mis à tout ce qui était aussi livre électronique. Ils ont commencé à faire des séries, etc. Donc, on sent qu'ils veulent un petit peu se diversifier. Et on ont de l'argent, quoi. Ben voilà, c'est ça. Quand t'as trop d'argent, après, ben, tu te dis, mais quoi en faire? Donc, ben, on va leur envoyer l'adresse du PayPal. Ouais, voilà, pour qu'ils nous fassent des dons. Et donc, en fait, là, ils se sont mis à créer un moteur graphique pour jeux vidéo. Alors basé sur le CryEngine. Alors à savoir CryEngine, c'est les jeux du style merde, c'était comment c'était le jeu Crysis. Crysis voilà. Parce que j'avais Cry mais j'avais pas la suite. Cry Baby Boy. Crysis. Crysis. Donc il y avait Crysis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui fonctionnait? Il y a pas mal de jeux qui fonctionnent avec ce moteur graphique là. Mais quand il envoie le pâté hein. Et franchement, mais c'est un des plus beaux à l'heure actuelle avec le Unreal Engine. Et tout ça en fait, Amazon vous le propose gratuitement. Donc c'est pour PC et console, donc pour développer des jeux hein, sur PC et console, c'est gratuit. Le seul truc de payant qu'il y a, alors c'est ce qu'ils appellent le Amazon Web Services. C'est une infrastructure en fait pour les serveurs pour du jeu en ligne. Mais c'est juste ça. Il y a que ça à payer. Mais par contre, c'est 2000 euros par mois, quoi. Non, non, non, du tout. Non, c'est pas hyper cher. Hein. Alors après, c'est dispo en version bêta actuellement, donc sur Amazon.com. Ça s'appelle Lumberyard, le nom du moteur graphique. Donc pour tous les petits bricolos qui aiment ça, là, les petits bricolos du dimanche qui aiment trafiquer sur ordi, qui aiment bien faire un petit peu de 3D, etc. On vous a mis le lien directement sur la page Facebook La Voix du Geek. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit lien et tout se fera tout seul. Comment c'est magique. C'est magique, hein. Putain, c'est ouf. Tu fais ça avec tes doigts en plus. Ah, la nouvelle technologie. Oh, malheureux. Français. Pas qu'avec les doigts. Le magicien ne révèle jamais ses tours. Ah, ben oui. Surtout ben oui. Quand il est fait à la baguette. Oh. Eh bien, allez, c'est parti, je vais enchaîner. Et là, je vais vous parler un petit peu de cinéma. Alors, plus ou moins d'un film, mais je vais vous parler d'une bande-annonce qui est arrivée il y a au moins une semaine, en fait. C'est un projet français et un projet de science-fiction. Je vais vous parler de Ickerman parce que ce projet, il est hyper ambitieux dans le sens où on est dans une ville futuriste. Ça a été tourné en une seule nuit dans les quartiers de la Défense à Paris. La bande-annonce a coûté 1000 euros et franchement, pour tout ce qui est effets spéciaux, ça claque. On l'a regardé il y a quelques minutes. Ça a été créé par deux Français qui auparavant avaient créé des courts-métrages de Matrix mais en amateur à pâte à modeler. Et du coup, en fait, dans ce futur film, et j'espère qu'il va être financé par une maison de production, une grosse maison de production, on est dans une ville futuriste où, en fait, la réalité virtuelle et les nouvelles technologies ont pris un impact sur le quotidien, sur notre quotidien. Et du coup, on va poursuivre les aventures d'un prof de lycée qui est assez nostalgique de l'ancienne époque, qui met bien les pellicules 35 mm, enfin bref, un vieux con pour cette ville futuriste comparé aux autres habitants. Il va essayer de sauver son meilleur ami qui est pris par un gourou. Et en fait, au fil de cette aventure, vous allez vous en prendre plein la gueule. Parce que franchement, sur les 2 minutes de la bande-annonce que on va vous diffuser là, directement là sur la page Facebook, ça claque. Ça vraiment, ça claque. Et j'espère qu'ils vont trouver une maison de production. Parce que déjà, c'est du Made in France. Il y a très peu de films sci-fi Made in France. Bon, vous allez me dire Besson et compagnie, mais c'est plus américain que français. Ouais, tu sais qu'avec l'Infernal, on s'est proposé. On a envoyé un mail. On est prêt à tourner leur film. Ah oui, ah oui, mais après, moi, le truc, c'est que graphiquement, j'aime pas trop, quoi. Tu vois, mais je préfère quand même les effets spéciaux de la soupe aux choux, quoi. Ah, mais c'est... quand on parle mais... de science-fiction. C'est vrai. Et du coup, alors, franchement, s'ils arrivent à trouver une maison de production, avant fin 2016, le tournage pourrait commencer début 2017. Et honnêtement, j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir, parce qu'ils méritent vraiment. Ça a été un petit peu comme Kung Fury, ça a été un petit peu comme le projet Léviathan aussi. Voilà, au bout de quelques mois, ils ont réussi à trouver une grosse maison de production. Donc j'espère vraiment, parce que c'est du Made in France, les amis. Donc allez-y faire un tour. Cocorico, comme on dit. Alors exactement. Ils arrêtent pas de me spammer. La bêta ouverte de The Division le 19 février, tiens, sur PS4. Ah, ça c'est bien, ça. Ouais. Ça fait du bien. Et bah, ça fait du bien. Ah, moi ça me fait du bien, ouais. Ouais, carrément, ça va être cool. Bon bah voilà, arrêtez pas de me spammer. Allez, moi je vais vous parler Titanfall 2. Ah merde. Ah, tu vois, oui, on fera le... Ah oui, bah je ferai juste un petit truc. Titanfall 2, donc on sait que dans cet épisode, eh bien il y aura une campagne solo. Dans le premier épisode, c'était pas le cas. En plus, c'était une exclusivité One ou 360, je sais plus. One, voilà. Je remonte trop dans le temps. Toi, tu mets le doute. Si, c'est une exclu One et PC, je crois, il me semble. Donc, d'accord. Bon, voilà, oui, dans si, le doute. Si, exactement. En tout cas, voilà, c'était un jeu uniquement multijoueur où on était dans des espèces de grands mechas, des grands robots, et on se foutait sur la gueule et on pouvait courir à pied aussi, au pied des robots. Donc là, on sait que maintenant, il y aura une campagne solo. On sait qu'il y aura la présence de la magie et que l'humanité est partie pour faire une colonisation spatiale, mesdames, messieurs. Oula. Ce qui est quand même pas rien. Ensuite, on sait qu'il y a une série télé épisodique qui est en développement chez Lionsgate. De Titanfall. Ouais, de Titanfall. Le scénario s'inspirait de la Révolution américaine et de la guerre civile dans un contexte spatial. Il y a quelques groupes de colons qui sont réfugiés sur de lointaines planètes. On sait pas grand-chose pour l'instant, mais on sait ça. On sait qu'il est en développement depuis un an et que Titanfall 2 se sortirait durant l'année fiscale, donc avant le 31 mars 2017. Ouais. Sur PS4, One et PC. Ouais, voilà. D'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière quand je vous avais parlé du projet Star Wars et Ye Games avait monopolisé sur Titanfall 2 et le prochain Mass Effect. Donc, oui, exact. Ça m'étonne pas. Mais moi, Titanfall, j'ai pas essayé. Mais pas du tout. Bah, on n'a pas la Xbox One, donc du coup. Et non. Et voilà. Donc, Eric, si tu nous écoutes, achète-nous 4 Xbox One. Non, on déconne. Non, on déconne. Merci beaucoup. Tu peux nous acheter juste la manette si tu veux, mais. Tu voulais parler d'un petit truc, je crois. Eh oui, parce que L'émission est trop bien faite. Ben ouais, ouais. Dandy a préparé un autre tremplin, décidément. Oh, il arrête pas de sauter dans tous les coins. On a pu voir cette semaine le trailer de Mirror Edge. Ah, Mirror Edge, Catalyst. J'allais dire Mirror Edge chocolatine, moi. Ça a rien à voir. ça sonnait bien dans ça, ma tête. Ça, c'est le season pass, ça. Ouais. C'est genre, ouais, Mirror Edge chocolatine, quoi. Alors là, t'as tous les mecs qui sont à l'autre bout de la France, ils savent pas de quoi on cause, quoi. Bah, Catalyst, je suppose que toi non plus. Catalyst? Ça te parle? Un peu catalystique? Moi, ça me rappelle une chanson de Linkin Park, mais après, voilà. Non, je, ouais, non. Non, mais pareil. Hein. Bon, j'ai un gros problème de micro, je vais régler ça pendant le Scud, il arrête pas de bouger. Je vais être obligé de le prendre comme un chanteur de variété. En tout cas, bref, on a vu le trailer, ça donne vraiment envie, c'est prévu pour le 24 mars, et c'est Mirror Edge. Et ce n'est plus une perche que je lui tends, mais bien une verge tendue. Allez, vas-y, rebondis là-dessus. Eh ben, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est tellement bien fait. Toujours donc, la verge. Toujours. À la verge, c'est génial. Et il me coupe le micro en plus, carrément. Non, non, c'est bon. C'est bon, moi, je me suis trompé de ligne. Trop fort. Quel pro. Donc oui, on parlait de Mirror's Edge Catalyst. Alors ils ont balancé le trailer qui raconte un peu l'histoire de Faith, l'héroïne. Alors à savoir, je sais pas si tu l'as dit que ça sortait sur PC, PS4 et One. Et que vous pouvez justement vous inscrire à la bêta fermée dès aujourd'hui. Donc allez sur le site internet, on vous a mis le lien directement sur Facebook, sur notre page La Voix du Geek aussi, pour que voilà, parce qu'on sait que vous êtes feignants, donc vous avez juste à cliquer sur un lien et vous y êtes direct. En parlant de bêta aussi, rapidement, je vais vous parler de Paragon. Alors Paragon, c'est un peu un jeu obscur à l'heure actuelle pour moi et je pense pour pas mal de personnes. Il y a eu des trailers qui sont juste sublimes, avec de l'action de dingue. Donc c'est un MOBA, c'est ce qu'on sait, développé par Epic Games, un jeu à la troisième personne. Alors actuellement, il a été dit que ça sortait sur PC et PS4. J'ai pas entendu parler de du côté de chez Microsoft. Et il y a possibilité donc d'avoir, si vous vous inscrivez sur le site aussi de Paragon, un accès anticipé, alors pour printemps 2016 et la bêta ouverte pour l'été 2016. Voilà, donc c'était le petit point bêta. Mais on en parlait en antenne et on va faire ça. On va faire des points bêta parce que c'est de plus en plus C'est courant. Hein. Il y en a de plus en plus. Ouais. Avant c'était vraiment au compte-goutte quoi. Ils chopaient vraiment les gens. Bon, par tirage au sort, mais c'est vrai que là avec cette génération de consoles, on y a beaucoup plus facilement accès. Si j'espère qu'on sera tiré au sort pour essayer Mirror Edge. Ah, ce qui est assez étrange, c'est pourquoi faire une bêta d'un jeu solo. Y aurait-il pas un multijoueur caché derrière? Ce serait tellement ouf, mon gars. Un multi-parcours, attends. Non, je pense pas. J'ai déjà eu fait des bêtas de jeux solo. Ouais. Mais après, voilà, c'est pas pour que tu t'amuses. C'est pour faire effectivement des retours sur les complications de jeu, les bugs et compagnie. Ok. Donc voilà. Bon, tu m'as cassé mon truc. Je m'en vais. Allez, Goustic, enchaîne. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est bon, enchaîne. Je vais vous parler d'un jeu qui a cartonné en 2015 et qui a eu un gros impact. Oui, et la gomme magique, j'allais dire. Non. À tous les aficionados de Geralt, de Yennefer licorne empaillée, j'ai envie de dire. Ah oui. Je vais vous parler de l'école The Witcher. Eh bien oui, mes amis. Si vous avez envie de devenir un sorceleur aussi puissant que Geralt, eh bien c'est possible dans la Pampouze polonaise. Dans la Pampouze. Exactement. Le château Mozna. Donc déjà, ça donne envie, quoi. Ouais. Le château Mozna. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube où tapez The Witcher School et vous avez tout le programme. Et du coup, du 17 au 20 mars. Si vous avez envie d'aller en Pologne pour la somme de 350 euros, soit plus de 2000 francs. c'est mon côté Pied Belmar, tu vois. Avec pension complète pour 3 nuits, eh bien, vous pouvez devenir un sorceleur. Vous allez avoir des cours d'arc, des cours d'épée aussi, des cours de potions. Vous pouvez jouer au Gwent aussi. Il y aura des duels avec des bêtes, les bêtes qu'on a pu croiser dans les aventures de Geralt. Est-ce que ce sera comme au parc Astérix? Genre, au parc Astérix, ça m'a tué. On a été une fois avec Mélanie. Et genre, à un moment, t'as un mec, donc c'est sûrement un nain, on imagine bien, qui est déguisé en sanglier, mon gars, et qui a traversé le village. Et genre, je l'ai coursé, mon gars, vas-y, on va le pécho. Parce que là, tu vas te battre contre des monstres, mais c'est Kiki. Ah, je sais pas. Ouais, après, attention, les monstres, ils sont pas Kiki non plus. Hein. Mais oui, non, mais ça va être quoi. C'est des trois trucs chinois animés sur les épaules, tu vois, qui se portent. Ouais, avec un dragon en papier. D'ailleurs, ouais, c'est le nouvel an chinois. On les embrasse tous les chinois. Bisous à tous. Bonne année. Non, mais je pense pas que ça. C'est l'année du singe de feu, mon pote. Ah ouais. Yeah. Kung Fu Panda, quoi, le truc. Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Kung Fu Chita. Kung Fu Macaque. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire hein, sur, vous allez sur le site The Witcher. De toute façon, il y a les liens externes pour vous inscrire à cet événement-là. Et il faut savoir que voilà, c'est pas un truc de fan club, c'est vraiment officialisé par CDR Project. Hein. Ouais, mais alors par contre, moi, je suis désolé. J'ai des choses à rajouter. On sait qu'un sorceleur, ça aime draguer, ça aime les belles femmes. Putain, j'allais y venir. Si tu y vas et qu'il y en a pas, je suis désolé. Parce que remboursement direct. Hein. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que The Witcher, c'est quand même un jeu très adulte et qui a quand même. C'est olé olé. Une bonne olé olé sur la corrida. Ah ouais. Olé olé sur la licorne empaillée. C'est chocolat olé olé. Ah, The Witcher premier sur la licorne empaillée. Ah, c'est une séquence qui est juste improbable. Excellent. Le truc, c'est que dans The Witcher, il y a quand même beaucoup de scènes de cul. Est-ce qu'il y aura un petit peu de sexualité dans le château à 350 boules la nuit? S'il y a que des gars. Écoute, je sais pas. Peut-être que on aura des films en pauvre sur Pornhub, hein, je pense. Mais après, Je vais y aller en intégration et puis je vous dis ça. Allez, juste avant qu'on s'écoute Diantoute, je voulais rajouter des trucs. À la fin de la formation, un médaillon maison vous sera remis en forme de sgeg, symbole de votre réussite. Il sera possible d'acheter votre équipement et tenue si vous souhaitez les conserver. C'est cool ça. Ouais, carrément. Mmh. Est-ce qu'il parle pas du cheval? Non, il parle pas de la baise. Bah pour revenir France-Pologne à cheval, bon courage. Hein. Mais moi ça me fait flipper tous ces pays là-bas. Depuis que j'ai vu le film Hostel, là j'aime pas trop. Non mais c'est flippant, j'avoue. Mais grave, j'ai pas confiance. J'ai trop peur de servir de je sais pas quoi pour des mecs. De cheval justement. Ouais non mais c'est ça. De cheval en bois. Il était flippant ce film. Ouais, il est bien dégueu. Mais il y en a deux en plus. Hein. Il y a le 2. Ah ouais. Ah oui c'est vrai. Eh oui. Exact. Correct. Allez, il nous reste 2 minutes. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors un truc en plus, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde et qui va tous vous faire saliver comme des bonnes de petits cochons là. Je vais vous parler de Red Dead Redemption 2. Ah oui. Le 2. Alors il y a pas longtemps, le PSG de Take-Two Interactive, Mr. Strauss Zelnick, si je dis pas de conneries, si je le prononce bien surtout, nous a dit donc que Red Dead Redemption était bien en développement, enfin le 2 était bien en développement, et que la saga elle deviendrait permanente, c'est-à-dire donc qu'on risque d'avoir peut-être aussi pas mal de suites après. Par contre, en ce moment, il y a une grosse rumeur qui circule, mais ça reste encore qu'une rumeur, c'est qu'il y aurait la présentation à l'E3, et que la sortie serait prévue pour octobre. Sur PS4, One et PC. Ah oui. Et petite info supplémentaire, et alors là on se dit déjà que Red Dead c'était excellent de tracer à cheval à travers tout le paysage, ça risque d'être encore plus grand parce qu'il y aurait donc plusieurs états disponibles, le Nouveau-Mexique, la Louisiane, le Texas, l'Utah, Dakota du Sud, Mexique, Denver et Arizona. Alors je sais que ça parle à tout le monde connaît par cœur. Ah bah attends, mais Denver, mais Arizona, j'ai vu tous les petites maisons dans la prairie. On est déjà à 6 ou 7 états et on sait que là-bas les états c'est pas un département de France hein, en termes de superficie donc voilà. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça risque d'être très très prometteur. Et yes. Voilà. Tiens, je fais une parenthèse. Il y en a qui dit sur le stream. Ouais, mais il est de dos. Bah ouais, mais c'est pour qu'on voit mes petits camarades. Voilà. Parce que sinon, si je mets la caméra à ma gauche, vous verrez un ordinateur. Non, mais magnifique. Feuilles. T'inquiète pas, il a un physique de radio. T'inquiète pas. Ah oui, non, mais carrément, carrément. Mais moi, même de dos, j'ai du ventre. Bon, bref. Allez. Il est 19h30. Vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous, on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Jesus, I hop and get through the bar. Neil Bone Cops making me a movie star. A lot of bad boys want a piece of me. If you're lucky, boy, you get to sneak a peek. My self style's gonna fuck a freaky deek. I don't got beef, cause I don't eat no meat. I got some other shit, you wanna know what's speaking me. Fuck your whole shit, I wanna break the beat. I love how when Kimmy talks sweet to me. Come on, come on, Kimmy, Kimmy, speak to me. I got to drop down, maybe the line lock. Yo, fuck, 15 seconds of fine. I'm a young blood coming out, facing the guy. You're only for some motherfucker, you're a member of nine. Wait, peace on fire. She got me going. Deep, not the quad like a motherfucker, take no beat. I take no beat, I take no beat, I take no, I take no, I take no beat. Just so what's up, don't try to get so deep. You know me, not a king, yo, me. A king, yo, me. A king, yo, me. A king, yo, king, yo, king, yo, me. Radio. Écoutez Eau de Radio sur 91.3. Allez, on est de retour, toujours dans la voix du geek, toujours en direct. Putain, et moi j'adore ce morceau, je me le suis tapé en mono quoi. J'avais que d'une oreille, je sais pas pourquoi. Ça a dû être génial. Et c'était super, obligé de tricher, tu vois, genre l'enceinte de droite caleçon et mettre le casque à l'envers pour avoir l'oreille gauche au casque. Oh là là. Enfin voilà, ça m'a tout niqué pour le coup, on se le remet. Allez, c'est parti. Yes, et oui, c'est la tempête dehors apparemment un peu partout en France, hein, c'est le bordel. J'espère que le stream tient bon. En tout cas, nous, sur la bande FM, ça a l'air d'aller. Dans un instant, on va vous parler d'Agatha Christie, un sympathique petit jeu d'enquête. Mais avant ça, on voulait faire un petit point sur les exclus de l'année. Ah oui. Est-ce que vous voulez que je mette une petite bande-son? Bon, ouais, non, c'est bien triste comme ça, c'est bien. C'est vrai? Ouais, c'est chouette. On va pas être si triste que ça quand même, l'année 2016. En plus, c'est une bande son que tous les geeks ne connaissent pas, c'est évidemment SOS Fantôme. Ah, ouais, c'est un petit film, hein, donc. Et oui, c'est vrai, l'univers étendu d'SOS Fantôme, c'est vrai. Eh oui. Connu dans les comics, ça. Alors, y a Dandy qui ça, attend. À mon avis, ça doit être Star Wars, non? Je sais pas. Ok, alors t'es viré. Non, je sais pas, c'est quoi? Super-héros? C'est Marvel. Alors moi, Marvel. J'ai un gros souci, j'ai tout que d'un Sérieux? Côté, quoi. C'est Avengers, ça? Ouais, c'est Marvel. En fait, à chaque fois quand t'as l'intro Marvel, t'as toujours cette musique. Ah, ça y est, j'ai retrouvé mes deux oreilles. C'était un câble qui s'était malencontreusement débranché. Tiens, bah écoute, voilà. Donc, moi, j'en là, en le fait, film, c'est, pas l'intro. C'est une compile de toutes les cinématiques, c'est ça, Goustique? De tous les l'univers étendu. Toutes les bandes-son de l'univers étendu Marvel. Yes. Alors on va parler un petit peu des exclus qui nous attendent. Alors ouais. Évidemment, il y en a une pour les joueurs PS4 hein, qu'on attend tous. Alors eux, hein, je rappelle le magazine, c'est Video Gamer qu'on fait un article là-dedans et eux ils l'ont appelé la plus attendue. Uncharted 4. Donc c'est un jeu d'aventure action, c'est édité par Sony et développé par Naughty Dog, c'est prévu le 26 avril. Alors dites-nous sur le chat hein, ou sur Twitter ce jeu, on va en parler. Toi Dandy, est-ce que tu l'attends ? Grave. Pourquoi ? Parce que j'aime le personnage, j'aime l'univers. Ce côté on connaissait déjà ça avec Tomb Raider, le côté action aventure, ce côté un petit peu Indiana Jones. Mais je trouve que avec Drake, ce côté un peu humoristique à côté et bras cassé du mec où il arrive toujours des conneries. C'est la chèvre. C'est quoi. Fun. Ouais, voilà, c'est la chèvre, c'est le grand blond, tu vois. Mm. C'est un peu le même délire. Et j'aime bien, et j'aime cet univers. Le personnage est attachant, aussi bien que Sully, aussi son compagnon de toujours. Et non, et puis après c'est un jeu qui est de qualité, comme on dit. C'est voilà, c'est la qualité Sony et non, carrément. Franchement, c'est enfin voilà, c'est très bien. Moi, et toi, Goustic? Écoute, j'en ai strictement rien à foutre. Non, honnêtement, oui, je l'attends parce que il y a quelques mois, j'ai découvert un petit peu les trois Uncharted hein, qui étaient en remaster de sur. Alors, Goustic, essaye de bien tout le temps parler devant ton micro parce qu'en fait, tu fais ça. Voilà. Et donc, ça fait des pics de dingue. Tu viens de me péter un tympan. Oh, pardon. Excuse-moi. Le seul qui lui restait. Oui, ben je l'attends parce que j'ai joué aux trois Uncharted qui étaient disponibles sur la PS4, le remasterisé, et aussi c'est parce que je trouve que c'est un bon mélange entre le cinéma et le jeu vidéo. Ouais. C'est ouais, carrément. C'est ultra poussé et notamment la vidéo qui a été présentée à l'E3 dernier. Rien que le plan de la moto qui est poursuivie par une espèce de camion ou de tank, ça dépasse. Enfin, c'est le mariage là, il est compatible là, entre le cinéma et le jeu vidéo tellement que t'arrives plus à faire la différence si c'est un film ou c'est ce que tu es en train de jouer en fait. Et c'est ça que j'adore dans Uncharted, c'est il repousse tellement les limites quoi. Enfin, c'est un peu toujours plus quoi. Ouais. Alors après c'est comme on disait avec l'Infernal quand on avait fait très vite hein, la bêta de The Division. Ce qui est excellent en fait, et c'est tout con, des fois ça se joue à pas grand chose, mais une histoire de caméra peut te faire prendre une toute autre ampleur à un jeu. Ouais. L'échelle, tout. Et là effectivement la caméra quand elle est frontale et que tu vois ton perso arriver de face, t'es dedans quoi. Mmh. T'es vraiment dedans. Tu mets ça dans un ciné. Tu joues à ça dans un ciné, mais enfin voilà, t'es parti quoi. Carrément. Bah moi je l'attends aussi beaucoup. Je suis assez fan d'Uncharted hein, parce que voilà, moi ce que je kiffe vraiment dans ces jeux-là, c'est qu'on voit du pays. Ah oui. Tu vois dans le 2 quand tu te retrouves au Tibet, j'ai fait waouh. Enfin voilà, c'est un vrai kiff quoi. Tu vois du pays et puis voilà, Naughty Dog, c'est un studio qui sait faire des jeux. Donc évidemment, je pense que ça va être une grosse tuerie. Il est prévu pour le 26 avril 2016. On va le streamer comme des gros... Vous mentez. Alors, il y a eu un petit bug, mais on a compris ton sentiment. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, ça a coupé pile au bon moment. Ouais, carrément. Voilà. Au moment où j'allais dire ça connasse. Ça t'a censuré. T'allais dire gros cochon, donc du coup, je pense que c'est censuré. On a un gros problème. J'espère qu'on va pas avoir une coupure de courant. J'espère pas. Cela dit, mais c'est un truc de fou, cette tempête. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le vent ? Pas grand-chose. Allumer des bougies. Allumer des bougies. Ensuite, encore sur PS4, eux, ils ont appelé la plus controversée. Ah. Et c'est Detroit Become Human. C'est le prochain jeu, alors, pour les auditeurs, de David Cage. David Cage, à qui on doit Heavy Rain, Beyond Two Souls. Donc, dans l'idée, on incarnerait Kara. Donc, c'est une héroïne, c'est un robot, en fait, qui n'a pas conscience qu'elle est un robot dans l'idée, si, c'est ça. Si, c'est des robots qui ont conscience qu'ils sont des robots, mais qui disent en fait depuis tant d'années notre idéal c'était l'humain, on voulait devenir humain parce qu'on a des sentiments, etc. Et ils disent qu'en fait les humains sont tous des enfoirés, que c'est des grosses putes et que voilà, en fait c'est peut-être mieux d'être un robot parce que t'es plus humain qu'un humain parce qu'ils ont une vision différente des choses. Ça soulève un lièvre. Ouais, mais j'aime vachement ces jeux comme ça avec une grosse réflexion derrière philosophique ou même humaniste ou derrière voilà un petit peu. Alors là après on est peut-être plus dans du jeu vidéo et dans du cinéma sci-fi j'allais dire. Mais Deus Ex, tu portes le t-shirt d'ailleurs et ça m'y fait penser. Mais Deus Ex, t'avais pareil ce côté transhumaniste où on te fait comprendre que même les gens par exemple qui sont amputés d'un membre, si tu leur mets un bras etc, rien ne les empêche plus tard si ça se trouve de pouvoir le modifier et d'avoir plus de force, et enfin voilà, et tout ça en fait ce côté philo humaniste etc, je trouve que c'est vachement bien de l'intégrer dans le jeu vidéo parce qu'au final ça peut ouvrir un petit peu les chakras des gens qui connaissent quasiment peut-être que ça comme média. Et ça leur permet un petit peu de s'ouvrir et de se dire ah, putain ouais, ça peut soulever des questions assez importantes. Moi franchement j'aime bien ce genre de jeu. Yes. Toi Goustic, tu veux nous en parler un petit peu? C'est un style de jeu que t'aimes bien toi? Bah ouais, parce que enfin moi j'avais joué au premier jeu de Quantic Dream, c'était Fahrenheit qui était sur Ouais, carrément dur hein, celui-là. C'est vrai qu'il était un petit peu chaud, mais tu voyais déjà l'intention cinéma, jeu vidéo. Mais QTE. Et honnêtement, qu'on a vu ce trailer, c'est assez intéressant quand t'es Grimm parce que c'est assez énigmatique à chaque fois. Ils t'en mettent pas trop, mais t'as toujours ce mystère genre ah mais qu'est-ce que c'est, t'as envie toujours d'en savoir un peu plus, un peu comme les films Nolan, tu vois. C'est bien écrit, c'est du bon teasing déjà pour exactement commencer. Mais sachant qu'en plus là il y a une compilation qui va sortir avec Heavy Rain et Beyond Two Souls, j'en ferai un stream d'Heavy Rain parce que moi j'ai vraiment adoré, j'ai trop envie de me le refaire. Beyond Two Souls j'ai moins accroché. Je pense que c'est pour ça que ça doit être controversé Détroit, parce que il y a eu le côté Heavy Rain qui a super bien marché. Et Beyond Two Souls, il y a eu un peu un accueil mitigé. Je pense que les gens sont entre les deux, ils savent pas. Carrément. Tiens, on nous envoie des messages là. Il y a Lollipop qu'on soupçonne un petit peu d'être Iskert avec un nouveau pseudo. Uncharted 4, je l'attends plus du tout car je sens le tapage médiatique qui me saoule avant même qu'il sorte. Il y a si Uncharted, c'est le Messi, nous dit Régis. Détroit sera une tuerie, nous dit Régis Oc aussi. On verra, wait and see. Ouais, carrément. Ensuite, on a la plus télévisuelle, Quantum Break. Ah bah alors ça, faudrait déjà en voir un peu plus. Déjà, faut avoir une Xbox One. Ouais, voilà, donc... Alors après, c'est les exclus, hein, donc évidemment. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, alors de ce que j'en ai vu, du peu qu'on en voit d'ailleurs, parce que c'est vrai que on en entend parler, mais on voit pas grand-chose à donc, chaque fois. C'est un personnage qui arrête le temps. Ouais. C'est ça dans l'idée. C'est ça. Enfin, il joue avec les failles temporelles. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à un endroit, tu peux faire une faille temporelle, courir derrière les ennemis, aller te cacher à un autre endroit, et eux, quand tu remets le temps, ils croient que t'es encore là-bas caché derrière. C'est quand même bien fait. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est sympa, mais on va vite. Après, voilà, je veux pas trop juger à la hâte non plus. Mais on pourrait peut-être tomber vite fait sur un style de Prince of Persia, les sables du temps, oui. Tu sais, où tu reviens en arrière et tout. Moi, c'est un jeu qui me fait penser à comment il s'appelait, le jeu de Dontnod dans Paris. Remember Me. Remember Me. Oui, exact. Tu vois, il y avait un système un peu comme ça. Bon, là, c'était au niveau des rêves et tout, mais les images m'y font penser un peu un futur, mais pas très lointain. Tu vois, Ouais, c'est entre deux. Il y a un petit côté Infamous, je trouve aussi. Oui, Niveau de la chorégraphie des combats, des pouvoirs aussi. Mais pourquoi pas, parce que peut-être que ça peut changer la tendance, parce que là c'est plus PS4 en ce moment, mais peut-être que Microsoft avec ce Quantum Break, c'est ça, il peut surprendre pas mal de monde, quoi, parce qu'il y a un bon casting, hein, il y a je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un acteur qui a joué Iceberg dans X-Men et un autre personnage qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. Le mec, il a joué Iceberg dans quoi? Dans X-Men. Il a pas joué l'iceberg dans Titanic aussi? Ah non. C'était il était, moi. Il a pas le bas. Oh mon dieu, là-bas. J'ai pas précisé, mais Détroit Become Human est prévu pour fin 2016 et Quantum Break pour le 5 avril 2016. Dans la bande, on a des potes qui ont la One. On les invitera avec plaisir pour qu'ils viennent nous en parler dans l'émission. Ensuite, sur PlayStation 4, ils l'ont appelé gentiment la plus en retard. De qui on parle? La plus en retard d'une exclue PlayStation 4. Bon, je dirais The Last Guardian. Exactement. Ah oui, exact. Donc c'est un genre, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça va être? Moi, j'ai l'impression que ça ressemble un peu, tu sais, à Brother. Tales Soul, ah oui, avec les deux gamins là, ouais. Sais pas. Donc c'est sorti pour 2016. En fait, pour les auditeurs, The Last Guardian, c'est un petit peu un jeu qu'on attend depuis une dizaine d'années. L'Arlésienne. Ouais. Une Arlésienne, exactement, qui on finit pas de sortir et qu'on finit pas de d'être repoussé. Pourquoi pas? On incarne un petit personnage qui est accompagné par un chien avec des plumes. Ouais, un phénix coupé de chat. Une espèce de griffon. Ouais, qui est assez gigantesque. Un truc un peu bâtard. Et donc, tous les deux, ils doivent résoudre des énigmes pour avancer dans un décor un peu inca, des espèces de temples. Ouais. Pourquoi pas. Sortie 2016, mais j'espère qu'on en fera le test cette année dans la saison 4. J'espère, parce que celui-là, je l'attends vraiment, ce jeu, parce que c'est vrai. Ça fait partie des jeux un peu comme Shadow of the Colossus, voilà. Qui c'est m'ont ce que, j'allais dire. Clairement marqué. C'est pour moi, Shadow of the Colossus, c'est un des meilleurs jeux sur PS2. Au niveau de la DA, c'est tellement magnifique, c'est tellement sublime, enfin c'est réfléchi, tu vois, et ce Last Guardian, ouais, je l'attends vraiment comme beaucoup de personnes depuis pas mal d'années et voilà, rien que savoir déjà qu'il était prévu sur PS3 et là qu'ils l'ont fait sur PS4, Il sortira sur PS5 apparemment. Oui, alors on ne sait pas encore, mais prochainement. Mais ouais, je l'attends vraiment, The Last Guardian. Ah, tu vois, on nous dit il a tellement été repoussé qu'il est dépassé maintenant. À voir. Hein, c'est possible, hein. C'est ouais, pas faux c'est ça, Régis Hoc. On nous dit, ça rappelle le temps de Fahrenheit. On en parlait tout à l'heure. Fahrenheit, très très bon, sorti sur Xbox, première du nom, et PlayStation 2. Ensuite, pour fin 2016, seulement sur One, ils l'ont appelé la plus musclée. Une exclusivité sur One. Pas Mass Effect, Gears of War. Exactement, le 4. Oui. Alors moi c'est typiquement des jeux auxquels j'accroche pas du tout. On incarne un espèce de gros guerrier avec un espèce de fusil d'assaut tronçonneuse. Voilà, c'est du gros bourrin. Moi j'accroche pas des masses. Ah, moi j'avais kiffé hein, parce que parle-nous-en un peu parce c'est que c'est vrai parce que Warframe c'est pas bourrin. Non. Mais c'est pas il y a pas de toi. Sang partout. Je suis d'accord avec toi. Moi j'ai toi Gears of War c'est du film, tu sais, de l'action movie des années 80 mais en mode du sang partout quoi. C'est du Ghost of Mars quoi hein, c'est hyper sanglant et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est moi ça fait partie enfin avant d'avoir la PlayStation 4, j'étais sur 360 et Gears of War ça faisait partie de mes premiers jeux de la Xbox 360. Et moi, je kiffais le jouer avec des potes, quoi. Donc, il y avait des arènes, donc on faisait du match à mort, et du coup, on se cachait, puis hop, je décapitais la tête avec le pistolet tronçonneuse. La tête. Alors, est-ce que c'est le gameplay qui te plaisait, ou est-ce que c'est l'histoire et l'univers aussi? L'histoire est très simple, quoi. On est dans un monde, post-apocalyptique. En fait, t'es une squad de mecs qui doit raser une bande d'extraterrestres. C'est simple, mais je trouvais que c'était un putain de défouloir, quoi. Alors ça oui, clairement, on peut pas lui reprocher. Ah oui, non mais enfin voilà. Et puis moi, je trouve que les trois premiers Gears of War, mais c'est des tueries. Ils existent en version Astérix. Ils existent en version remastered. Oui, ils sont sortis l'été dernier, ouais. Carrément. Exactement. Ensuite, toujours dans le magazine, on va les citer, Video Gamer, histoire de pas être accusé de plagiat, mais ils font des classements qui sont souvent intéressants. La plus rétro, ce serait une exclusivité 2016. Ça sent Nintendo, ça. Ouais. Avril 2016 même. On y a joué. Star Fox. Ouais. Exactement. Ouais. Alors moi, sincèrement, j'ai hésité à revendre ma Wii U la semaine dernière. J'hésite même à attendre le Zelda parce que je suis sûr qu'il sort sur NX. Je sais pas, ça c'est. Peut-être sur les deux. Ouais. Comme ils ont fait à l'époque de Twilight Princess qui était sorti sur GameCube et en même temps ils avaient fait la version, on va dire reverse, sur la version miroir sur la Wii. C'est possible, hein. Il y a pas mal de rumeurs qui traînent sur le fait que ça se passe comme ça. Ouais, parce alors que on malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté la Wii U pour avoir ce jeu. Et non, mais ils vont pas être déçus. Ils vont pas le faire que sur la NX. S'il sort sur la NX, il sortira bien évidemment sur la Wii U. Et malheureusement, pour les gens, pour les futurs acquéreurs d'une NX, je pense que il sera développé pour la Wii U. Mais sera adapté sur le support NX, donc pas qui prendra. Il prendra pas. Si tu veux la vraie version qui va bien, c'est il ça. Faudra que tu racks la pour NX. La Wii U. Quoi. Le truc c'est que Star Fox Zero, c'est un peu la cata. Alors nous on l'a essayé à l'IDEF. Hein. Il y a le reportage sur la chaîne YouTube, hein, l'Infernal 33 tout attaché. On centralisera tout quand on aura le site. Mais on a fait un reportage à l'IDEF, qui est un salon de jeux vidéo qui tous les ans normalement se tenait à Cannes et maintenant ils ont déménagé à Bordeaux. C'est un salon qui est réservé aux professionnels. Si vous voulez y aller en tant que visiteur, c'est 350€ la journée, hein, pour info. Oui. Donc on a passé la journée là-bas, c'était très bien, on vous a ramené des images, on a vu Julien Teluk, Bertrand Amard, on a fait une soirée cocktail, enfin c'était n'importe quoi. Franchement, on a passé un bon moment. Alors, on vous en parlera quand on sera pas en direct à la radio. Il faisait très chaud. On a interviewé Julien Teluk, le soleil en pleine gueule, enfin c'était assez énorme. Et du coup, on l'a essayé ce jeu et sincèrement, c'est pas beau. C'est nul, enfin voilà. Bah, quoi. En fait, ma version Super Nintendo c'est est mieux. C'est que c'est vide surtout. Enfin, on se dit merde. On est quand même dans une époque où on parle d'open world, etc. Là, on te dit ouais, t'es dans l'espace. Sauf que dès que t'essaies de partir loin dans l'espace, t'as des petites bordures rouges. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, très bien. Qui te ramènent dans le truc et tu te dis mais je peux pas aller là. Alors c'était déjà le cas sur Super Nintendo. Tu pouvais pas aller te promener. Oui, c'était sur Super Nintendo. Là, on est sur Wii U, les gars. Ben ouais. Alors moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que la nana qui bossait, qui est une nana qui a été embauchée pour faire l'animation, la pauvre. Mais c'était trop marrant parce qu'elle posait des questions et ça répondre. Et puis le truc qu'elle mettait vachement en avant, c'était oui, mais regardez, c'est un truc de dingue. Il y a une vue cockpit sur le gamepad. Ouais. Sans déconner. What? Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est ça que tu me vends le jeu comme ça, quoi. C'est bizarre. Juste pour 60 euros, rien que pour ça, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Donc, écoutez, on le volera dans ce Non, mais on en fera le test de toute façon dans l'émission. On va le trouver. Alors celui-là, je le garde pour la fin parce que je suis sûr qu'il va, il va tous vous faire halluciner. Eh bien, justement, l'exclusivité qui est prévue pour 2016, ils l'ont appelée la plus mystérieuse. Zelda. Zelda, exactement. Ouais. Voilà. Bah oui. On en a parlé tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est un jeu pareil. On en entend parler depuis un moment, mais on voit jamais rien si ce n'est. Un Link moitié nana, tu sais même pas. Alors d'ailleurs, il y a des rumeurs, on sait même pas si ça va être un gars, on sait même pas si ça va être une fille, mais c'est le problème, comme le dit toujours Max, et il pète un plomb avec ça, et je suis d'accord avec lui, c'est que les Japonais ont tendance à toujours féminiser les mecs et les nanas les rendre un peu comme des mecs. Donc au final, c'est des transgenres, tu sais ah pas bah, tu regardes le dernier FF, c'est pareil. Tu sais pas si c'est un mec, tu sais pas si c'est une nana. À la rigueur, ils vont lui mettre un petit peu de muscle au niveau des pecs. Tu vas te dire bon, il a des pecs, ou sinon ils vont dire ah ben non, elle a des petits tétés. Ben oui. Donc elle a des petits tétés. Elle a les seins en triangle comme Madonna. Des cornets de glace. C'est ça. Mais voilà. Après, c'est vrai que ils jouent beaucoup le mystère justement pour attiser un peu le côté médiatique dessus en disant attention les gars, ça va être du méga open world. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques émissions de ça où je vous avais fait la comparaison. Ils disaient qu'apparemment ça serait superficie de Kyoto machin. C'était un peu ouf. Donc voilà, beaucoup de questions. On aura tout à l'E3, hein, comme pour la plupart des jeux. Voilà. Peut-être, ils disent sortie 2016, c'est sûr qu'à l'E3. Franchement, Nintendo, ouais, à cette E3, faut qu'il tape un grand coup. L'E3 de l'an dernier, pour les auditeurs, l'E3, c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde. C'est à Los Angeles. C'est là où ils font toutes les annonces, toutes les grosses annonces de jeux. On va sûrement parler de la VR aussi, parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère de la réalité virtuelle. Donc cette E3 va être assez important, et surtout pour Nintendo. Parce qu'ils vont annoncer une nouvelle console, il y a un Zelda qui est dans les tuyaux, faut qu'il se bouge. Se comparer à l'année dernière. Parce que les gens décrochent. C'était catastrophique, hein. L'an dernier, la Killer Rap qui vendait la Wii U, c'était Mario Kart 8, qui a quand même 3 ans, et Splatoon, qui est certes très bon, ah oui, mais c'est léger. Bah disons que aucun des gros titres est sorti sur Wii U de l'année. En gros, si t'avais pas une console next gen, PS4 ou One, t'es passé à côté de plein de jeux, quoi. Concrètement, le mec qui a que la Wii U, le pauvre, quoi. Bah pourquoi? Parce que justement tous les développeurs ont déserté la Wii U parce qu'ils se sont dit merde, c'est une console qui vend pas. Donc à quoi bon gaspiller de la thune pour faire des jeux si on sait qu'ils en ont pas? C'est foutre l'argent en l'air. C'est logique. Et Nintendo ont un problème, c'est que ils font tout. Tu sais, c'est un petit peu la cuisine de mamie. Ils font tout maison. Tout seul. Bah oui, et mais vu qu'ils sont très fermés, effectivement, ils se coupent un petit peu les vivres tout seuls, hein, malheureusement. C'est con pour eux parce que c'est des gens qui sont hyper intelligents, ils ont de bons concepts, mais à être trop fermés, ils s'intoxiquent et ils s'asphyxient tout seuls. C'est ça. Alors, c'est après, il y en a deux, moi, qui me parlent pas du tout. Est-ce que Scale Band, ça vous dit quelque chose? Alors, oui, pas mais du tout. Non. C'est une exclusivité One. Il est prévu pour 2017. Il a encore été repoussé. Bon, on n'en sait pas grand chose. C'est le truc qu'on avait vu, un peu futuriste, là, où on voyait des espèces de bots se battre. On l'a vu à l'E3. C'était entre Borderlands et je sais plus quel jeu, mais c'était des mecs avec des espèces de lames à énergie, je crois, et qui se foutaient sur la gueule. Ça me dit rien. Après, voilà, c'est que c'est pas un truc hyper original. Je pense que c'est des choses déjà vues et ça se noie dans la masse avec tous les jeux qui sont déjà sortis du style. Donc forcément, ça parle pas grand monde. Carrément. Et puis ça, c'est prévu uniquement sur One pour 2017. Et sur PS4, fin 2016, on a Nier Automata. Ah, c'est un truc avec des bots, je crois, non? Ça me dit rien du tout. Nier Automata, je sais rien. Alors après, évidemment, hein, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y en a plein. Il y a Ratchet & Clank, Hellblade, il y a Dream de Media Molecule, il y a Ni No Kuni, sur les deux, il y a Halo Wars. No Man's Sky, parce que celui-là, il y a quand même un buzz, hein, sur Internet autour de ce jeu-là. J'en sais rien. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas. Ah bon. Et pour finir, avant qu'on s'écoute, c'est quoi? C'est AR Ferdinand, Let's Go. Yes, il en reste un. Le plus à la mode, ils l'ont appelé. Minecraft? Non. C'est une exclu PS4. C'est une exclusivité PlayStation 4. On n'en a pas parlé, c'est un truc de malade, il est prévu pour 2016. C'est un truc avec le VR? Non. Non, c'est... C'est un jeu de Guerilla Game. Horizon. Les papas de Killzone. Ah oui, Horizon, ouais. Carrément. Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, ça va être un truc de malade. Moi, je l'attends beaucoup, celui-là. Le plus à la mode? Ouais, le plus à la mode. Celui dont on parle le plus, a priori. Moi, j'aurais dit le plus ambitieux, quand même. Parce que, du peu de ce qu'on a pu voir à l'E3 dernier, ça envoie. ça envoie quand même. Il y a un univers assez riche, espèce de mélange de bêtes préhistoriques, façon robotique. Ouais, méca et compagnie. C'est du Deus Ex mélangé à du Far Cry Primal. c'est exactement ça. Ouais, on est dans une, enfin, on est dans un endroit plus ou moins préhistorique et futuriste à la fois de par le bestiaire et compagnie. Et ouais, honnêtement, ça peut être. En tout cas, c'est original. C'est ça a l'air d'être un bon concept. Je sais pas justement comme tu dis s'il est prometteur ou pas. J'espère pour eux parce qu'il l'a l'air. Ah oui, non, mais moi je leur fais confiance les yeux fermés à Guerrilla Games. Ils ont fait Killzone, quoi. Ouais, Guerrilla Games, ils savent ce qu'ils font. Les Killzone sont juste abusés tous. Hein, y en a pas un qui. Y en a cinq au total, en comptant celui qui est sur Vita. Et oui. Oui, il y avait aussi des spin-offs sur PSP aussi. Il y en a 6 même. Ah attends, t'as Killzone 1, 2 et 3 sur PlayStation 3. Ouais. Shadowfall, c'est le 6e. T'as Shadowfall. Ouais. T'as un épisode sur Shadowfall exclusivité PS4. Ouais. T'en as un sur Vita. Ok. Qui est assez énorme, hein, qui s'appelle Killzone, je sais plus comment. Rétribution. Non. Comme ça, et t'en avais un autre sur PSP. Vu du dessus, un peu hack and slash un peu. Ok. En tout cas, voilà. Horizon. C'est clair, moi il me botte à mort. On incarne une espèce de nana rousse, un peu sauvage, qui se retrouve au milieu de comme à l'âge de pierre. Et puis voilà, tous les dinosaures, faudrait les imaginer remplacés par des gros dinosaures mais robotiques. Et elle se retrouve avec des flèches, des cailloux. Enfin, ça va être un truc de ouf. Des cailloux. Bah oui, des cailloux. Enfin, je sais pas. J'imagine même pas la taille de la map, quoi. Des cailloux robots, quoi. Tu jettes la pierre et coucou. Non, mais il y avait un bon système, comme il montrait, bah, un petit peu à la Just Cause, où t'avais des câbles, justement, pour faire tomber les, c'est mélangé de Star Wars, tu sais, de Just Cause, où tu peux enrouler les câbles autour des gens. Oui, carrément, oui. Donc ça a l'air aussi tactique, hein, c'est pas mal. Puis la nana, moi, elle me rappelle un jeu. Sword. Voilà, c'est ouais. Ça. Ça faisait partie des premiers jeux sortis sur la PS3, je me rappelle. C'était une vitrine. Heavenly Sword. Ouais. Je l'ai racheté pendant les soldes. Ah, j'ai peu de temps de le refaire. Bah, en fait, j'essaye de me finir Prince of Persia, celui en cel shading là. Oui, le dernier. En alors plus, c'est ouais. Sympa, mais qu'est-ce qu'il y a rien à faire. Ouais. Ah, c'est un truc de malade. Je fais un coucou à Bibine d'ailleurs. Il nous l'avait dit. Hein. Il t'avait dit, il est bien, mais pas top. Bon, j'ai payé 2€. 2€. En fait, je te dis une connerie. Il y avait genre 3 jeux pour 5€. Tu vois, dans des grands bacs, les sols, braderie, tout ça. Du coup, j'ai pris. Juste avant d'écouter le Scud, du coup, j'ai pris Heavenly Sword, Prince of Persia et Red Faction Armageddon. Oh là là, parce que je l'ai pas fait. Et les Red Faction, je dois être le seul en France, mais je suis totalement fan. Où tu cassais tout là sur Mars et tout. C'était terrible, mon gars. Le premier, c'est un truc de malade. Tu pouvais casser les murs, genre tu peux pas avancer tout droit, tu pètes le mur sur la droite. C'était les premiers jeux avec le géomode. Où tu jetais une grenade et ça faisait vraiment des trous dans les murs, à des endroits précis bien sûr, mais c'était un truc de ouf. Et le 2, je l'ai sur PlayStation 2 aussi, et on joue en multi, et tu peux tout casser. Genre tu te retrouves, t'es dans une cité, et tu casses tout, et en fait bah tu te bats dans un terrain vague en fait après. Mais c'était top. D'accord. Red Faction, et le Armageddon, je l'ai jamais fait, je l'ai vu, je fais allez je me le prends, il est pas cher. Et oui, voilà, vous savez tout. Ben génial. On s'écoute AR Ferdinand. Let's go. Let's go. Oui, ça me fait bizarre de dire ça parce que j'étais à l'école primaire Ferdinand. Ah bon? Oui, carrément. Alors c'était pas Ferdinand, c'était comment? Il s'appelait comment l'homme historique? Comme vous pouvez le voir, nous sommes calés. Franz Ferdinand. Voilà. C'est Franz Ferdinand. Allez, on s'écoute AR Ferdinand avec Let's Go. Il est 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek. On revient dans un instant pour vous parler d'Agatha Christie's ABC Murder et Lego Avenger, tiens, qui est plutôt sympathique. À tout de suite. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Drasgubre da doba doba deo. Doba doba deo. Doba doba doba deo. Drasgubre da do. Petite dédicace à Denis, tiens. Et puis, tiens. Salut Maxou qui nous rejoint sur Twitch. Salut Maxou. Merci salut à toi. Eh ouais, on est toujours en direct. Il nous reste une petite demi-heure d'émission, toujours en direct sur le 411.3 FM ou de radio.net pour ceux qui nous écouteraient sur internet. Et puis on est toujours en direct aussi sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, comme tous les mardis à partir de 19h. De 19h à 20h30, c'est un truc de déglingo, il y a de la saucinette, de la bouscaille, il y a de la cagole, saucisse, de la caravane. Il y a de la caravane aussi. Il y a une façon de voir la vie dans la voix du geek. C'est une façon de voir la vie. Putain, je me suis tué la gorge en chantant. Je m'étais pas échauffé l'organe. Ah mais il faut chauffer le niglou. Et quand tu t'échauffes pas l'organe, hop, tu débandes. Ah mais tout est dans le niglou, mon copain. Carrément. Allez, tiens, on va vous parler de ABC Murder. Le sympathique Agatha Christie. On va mettre la bande son d'Iron Man 2 par-dessus. Ça va être top. Et oui, c'est vrai qu'il y a Robert Downey Jr. dans ce jeu. C'est vrai. Et oui, carrément. Mais oui, parce que c'est un petit peu le penchant belge de Sherlock Holmes. Parce qu'on incarne Hercule qui a un bouton sur le poireau, qu'on l'appelle de son petit nom. On dirait le nom d'un porno. On incarne Hercule Poirot, donc le célèbre personnage d'Agatha Christie. Et ouais. Pour une enquête qui est assez célèbre de lui, qui s'appelle The ABC Murder, parce que le crimier, j'allais dire, ses victimes. Le mec qui vend, enfin il met ses victimes dans son fromage. Voilà. Et il passe comme ça, yalalalou, avec un truc comme ça. C'est oh mon dieu, c'est le crimier, vous voyez. Et là, tac, coup du lapin derrière la nuque. Coup du lapin à la moutarde, mon pote. Le mec avec un lapin moutarde qui est à terre. Le coup du lapin à la moutarde, mon pote. Père, voilà. Bref, voilà. En fait, il sélectionne ses victimes ABC. Donc, en fait, il y a que on enquête sur 3 meurtres. Et donc, c'est comme dans le bouquin. Sa première victime a le nom prénom qui commence par A, la seconde par B, la troisième par C. Ils nous ont fait le gentil cadeau de ne pas aller jusqu'à Z. Parce que c'est un jeu qui est sympa, mais qui est un peu relou quand même. C'est très sympa. On enquête. Il y a un petit côté dessiné qui est fort sympathique. Par contre, tiens, je vois qu'il y a Moumout qui est sur le stream. Ah, je pense qu'il nous dira pas le contraire. Alors, par contre, j'ai une question. Est-ce que si tu lis les bouquins, t'as déjà la solution du jeu ? Est-ce que ça prend les bouquins ou c'est carrément autre chose ? Non. Alors, je pense que ça suit le fil, je pense. Ah, c'est une bonne question. Je pense que si t'as lu le livre, ouais. Ça te spoil, ouais. Et ouais. Et oui, parce que ça reprend. Parce que Faye que j'embrase, l'amicale du geek, est une. Faye. Ouais. Faye, je sais plus. Non, t'as dit fake. Ah, ouais. J'ai dit fake. Defake. Oh, pardon, Faye. Désolé. Quand elle est dit, c'est defake. Defake. Defake. On l'embrasse. En fait, c'est une fan qui, enfin. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les livres d'Agatha Christie et du coup la suite est stream et effectivement pour ceux et celles qui ont lu les aventures d'Hercule Poirot quand vous jouez au jeu ça spoil plus ou moins quoi donc ouais. Ouais. Alors après ça n'empêche pas que c'est un jeu qui a des mécaniques assez sympathiques. Le problème c'est qu'il est ultra facile. C'est le genre de jeu, c'est un point and click pour les auditeurs. Donc on arrive dans une pièce. On ne peut pas en sortir tant qu'on n'a pas tout visité. En fait, il faut tout fouiller, ouvrir les tiroirs. Il fait un petit commentaire qui sont assez lourdingues. C'est marrant parce que dans chaque pièce, il y a un miroir. Il s'en approche et il se recoiffe sa petite moustache très connue d'Hercule Poirot en faisant un petit commentaire. Hashtag Easter. Et le truc, c'est que c'est hyper commun dans ce type de jeu, mais t'arrives, oh mince, il y a une malle dessus, il y a un cadenas à 4 chiffres. Mais ça perd l'hypopète, où c'est qu'on va trouver le code? Alors en général, dans ce type de jeu, c'est un peu plus dur que ça. Il faut chercher, ça correspond souvent, il y a 4 chiffres, à une date qui peut être derrière un tableau, qui peut être derrière une bague. C'est souvent le cas dans les jeux d'aventure. Eh bien là, non. Par exemple, sur la malle sur laquelle il y a le cadenas, eh bien on a juste à la tourner sur elle-même et on trouve un stickers avec la date dessus. Et tu te dis, tiens, il a voyagé à Honolulu ou je sais pas où en 1490. Mm-hmm. T'essayes la date et c'est celle-là. En gros, toi, il n'y a pas trop de recherche, quoi. C'est hyper intuitif, quoi. C'est pas que c'est intuitif, c'est que c'est hyper facile. Alors, c'est déjà tout chaud, quoi. Tout prêt. Bah ouais, c'est ça. Et en gros, il n'y a pas de challenge, quoi. Et comparé à Sherlock Holmes, enfin, il est un peu plus dur, Sherlock Holmes, que... Alors, Sherlock Holmes, c'est beaucoup plus dur. En fait, ABC Murderer, Agatha Christie, là, ce serait un petit peu un échauffement à Sherlock Holmes. D'accord. C'est exactement le même principe. On interroge les gens, on peut les observer. Alors ça, c'est complètement pompé sur Sherlock Holmes, Crime et Châtiment, par exemple, le dernier en date. Mm-hmm. Il y en a un qui arrive. On a eu la date d'ailleurs du dernier Sherlock Holmes là. Il arrive avant l'été. Ok. Carrément. On le streamera aussi. Moi, j'adore. Et du coup, on regarde le personnage et on promène la réticule sur son corps et puis on voit des indices par-ci par-là. Une fois qu'on les a récoltés, en gros, ça fait comme des neurones, exactement comme dans Sherlock Holmes. En gros, on a trois boules qui sont reliées, qu'en donne plus qu'une. Et en fait, si t'as les trois bons indices, tu fais une déduction. Et en gros, en dessous, t'as plein de petites boules qui sont bah tous les indices que t'as récoltés et en gros bah tu les mets, si t'as les trois sur le bon truc bah ça débloque une conclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Oui, très bien. Et il y a des moments où t'arrives et il y a trois boules, donc il faut que t'aies trois indices qui concordent pour débloquer une conclusion, et genre en bas t'as quatre boules et en haut on te pose une question: prouver que Michel est méchant. Et genre les quatre propositions que t'as, c'est: Michel n'était pas très sympathique. Ok. Ouais, ouais, d'accord. La deuxième: Michel n'était pas très gentil envers les animaux de ses voisins. Ok. La troisième: Michel n'était vraiment pas gentil avec le jardinier. Ok. Et la quatrième: Michel adore les fleurs. Tu dis, bah là, franchement, je donne ma langue à la chatte, parce que là, je sais pas trop. Mais il est pas si insociable que ça, ce Michel, dis donc. Et c'est tout le temps comme ça. Tu vois, donc évidemment, tu trouves, bah, les trois, ouais, tu les as, et puis, ouais. Donc voilà. Mis à part un moment où on se retrouve dans un manoir, et je trouve que c'est monté d'un cran. Moi, ce qui me dérange beaucoup, dans ce type de jeu, pour jouer à The Witness en ce moment, ce qui me dérange, c'est quand on bascule dans le, essaye toutes les possibilités, tu verras. Ah ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as quand même un petit indice, tu vois, un truc. Bah, qu'il y ait une logique. Une logique. Pas du hasard. Parce que sinon, on s'est retrouvé un moment face à des notes de musique, t'as une partition, et il faut que tu fasses un calcul. Genre, ça te montre 32, 16, 8, tu sais, le nombre de croches et de notes. Oui, oui. Et en gros, ça te donne un résultat, il faut que tu mettes le nombre de notes devant. Sincèrement, il y a un système d'indices qui est cool quand même, qui est bien pratique, mais franchement, on n'aurait jamais trouvé, quoi. C'est là tu peux essayer tout ce que tu veux, sincèrement moi j'ai pas voilà. Donc mis à part ce passage, moi je l'ai bien aimé, sincèrement. Je fais très rapidement parce que c'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu que je conseillerais aux personnes qui veulent se mettre au jeu d'aventure pour le coup, parce que c'est assez facile, ça te prend par la main, et tu découvres des mécaniques de gameplay qui sont propres au jeu d'aventure. Et si tu commences tout de suite avec The Witness ou même King Quest, qui peut, si t'es noob, vraiment débutant, tu peux galérer quand même parce qu'il y a une certaine logique à avoir. Mais pour débuter, franchement, je le conseille. Il est pas très cher. Et franchement, il est assez sympathique. Il est pas très long. En deux sessions de 4 heures, on l'a terminé. Mais voilà. Non, franchement, assez sympa. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse sur Microïd. Donc, c'est la boîte qui l'a édité. C'est une célèbre boîte de jeux d'aventure. Et cette année, ils ont un bon line-up. Ils font un reboot de Moto Racer, mon gars. Oh. Ah ouais. Donc, à rien à voir. Ils font... Il y en a un surtout qui m'intéresse. C'est Siberia 3, qui est prévu pour cette année. Siberia, c'est le top du top du jeu d'aventure. C'est écrit par Benoît Socal, un auteur très connu de bande dessinée français. Le Siberia 1 et 2 sont juste des bijoux. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Bon, là, on n'a pas le temps. Mais Siberia 3 est prévu pour cette année. Et ils font aussi... Alors ça, notre ami Anthony, qui faisait le coup de fil du PNJ, est un fan absolu. Il s'occupe de du portage sur PC et console et PS4 et One aussi, de l'adaptation du Donjon de Malbec en RPG. Ça me dit quelque chose. Oh, ouais. Alors, il me semble qu'ils sont en Kickstarter et qu'il y a déjà des Kickstarter ou un autre, hein, Ulule, machin, et qu'il y a déjà des images qui sont visibles sur le net du Donjon de Nalbuk. Alors, le Donjon de Nalbuk, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est pas une pièce radiophonique, mais c'est un... C'était des sketchs MP3, quand on va dire c'est, ça comme c'est, ça. Quoi. C'est le un Seigneur peu comme des Anneaux. François Pérus, en fait. C'est voilà, c'est une histoire radiophonique, avec plein de personnages. Il y a le nain, l'elfe, tout ça. Un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais qu'en audio. C'est pas si mal, ils en ont fait une bande dessinée. Et donc voilà, il s'occupe du portage, donc il est prévu pour 2017, on a le temps. Mais ça peut être sympathique, c'est à la Diablo, vu du dessus, un hack and slash, et avec l'esprit un petit peu du Donjon de Nalbuk, c'est complètement what the fuck. Hein. Ben voilà, il y a un bon humour pipi caca, c'est bien débile. Hein. Mais voilà, bon bref. Alors attendez, je crois que on nous dit un truc, les poireaux velus. Si jamais vous avez trois boules, c'est pas bon signe. D'accord, ok. Je, tu vois, c'est le problème quand t'es en direct à la radio et que tu lis les messages en direct. Tu te dis, ah, mince. Alors, tu sais, l'Infernal, justement, t'en parlais tout à l'heure et je te disais, c'est dommage que tu ne joues pas. Parce que ce qu'il faut savoir, là, tous les auditeurs, allez, c'est que l'Infernal a un smartphone. Non. Depuis un peu moins d'un an. Depuis 6 mois, quoi. Ouais, moins d'un an. Ouais. Non, mais je te dis, rame trop, c'est le bordel. Et voilà. Donc, peut-être parce que son téléphone rame, mais il ne joue pas du tout à des jeux mobiles. Sauf que le truc qui sait pas, c'est que les jeux comme ça, d'enquête, d'énigmes, etc., mais t'en as à chier gratuitement. Déjà, Criminal Case. Alors ça, non, c'est un petit peu l'arnaque parce que c'est le genre de truc où t'es obligé d'attendre pour avoir de l'énergie, pour faire des enquêtes, etc. Moi, je te parle de vrais jeux d'action, et d'enquête comme ça où tu as effectivement, mais comme tu dis, des scènes fixes où tu dois fouiller les tiroirs. Ah oui, machin. Alors, ça, mais c'est complexe, mais hyper complexe. Et c'est les jeux d'objets cachés? Non. Pas d'objets cachés. Vraiment. Parce que ça, j'aime bien au final. T'arrives dans une pièce, que tu peux explorer à 360 et t'as un tiroir, tu vas y aller, ils vont te dire il est bloqué, t'as un tableau, tu trouves 4 couleurs dans un ordre bizarre et puis après tu vas trouver un post-it et tu trouves plein de trucs partout et après tu dois tout rassembler, trouver comment tu ouvres ce tiroir, ce tiroir qui aura une clé qui va faire le truc, on dirait un match de tennis. et donc voilà, mais franchement, essaye au moins d'en télécharger un sur ton téléphone. Sur ma nouvelle tablette. Voilà. Puis, tu t'achètes une jolie tablette ce week-end. Je te donnerai un. Que ZZ a cassé. Avec son gros bidou. C'est ça. Elle a non, mais carrément. Dessus. Carrément, pourquoi pas. Je voulais rajouter quelque chose, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mais tu voulais parler de Lego Avengers. Mais je voulais rajouter un truc sur. On parlait du portage de Donjon Ad. Ah oui, si. N'hésitez pas, sincèrement, si vous en avez à côté de chez vous, à aller faire un tour dans les escape rooms. C'est un petit peu à la mode en ce moment. Ouais. Il s'agit, alors, si vous savez pas ce que c'est une pièce. On nous enferme dedans et on a une heure environ pour en sortir. On te laisse crever et c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, on l'a fait avec toute l'équipe. Et franchement, on a tapé un délire de ouf. Ouais, on est sur Bordeaux. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on s'en refasse. Hein. Ah oui, faut qu'on fasse parce qu'elles ont changé les salles. C'est à vivre entre potes, sincèrement, c'est génial. Il y avait une tablette au mur avec des indices. Nous, on arrivait, déjà, on a tout cassé. On a fait, non, mais ça, c'est le décor, les mecs. Parce que nous, on arrivait en mode, vas-y, démonte le faux plafond. Bah, vas-y, j'attaque le carrelage, et puis après, c'est bon. Il y avait une boîte pleine de bouchons, on a enlevé tous les bouchons, et puis non, mais ça, c'est le décor et tout. Moi, je sais pas, moi, j'ai compté les bouchons, j'ai trouvé un chiffre, j'ai rentré dans le cadenas, quoi. J'ai dit, attends, 27. Non, c'est juste le décor. Franchement, c'est mortel. Ça te rend parano. Je vous invite vraiment à regarder, à chercher autour de chez vous. Il y en a forcément une. Faites-le avec des potes, vous allez délirer grave. Voilà, bref, on va passer à Lego. De toute façon, c'est pareil, ça va pas nous occuper des heures. Non, pas tant que ça. Même si, bah, j'étais plutôt surpris. Oui, ou pas. Parce qu'en fait, la dernière expérience Lego que j'ai eue, et la prochaine, ce sera Star Wars, le Réveil de la Force. La dernière expérience Lego que j'ai eue, c'était avec Kogu en stream sur Lego Jurassic World, qui rassemblait donc les quatre films, et en gros, il y avait deux scènes par film, donc les plus ouf, quoi. Donc ça donnait un jeu d'une durée de vie de 5-6 heures, sans compter les bugs et où t'es coincé et tout. Bah ça sent le jeu développé juste à temps pour la sortie d'un film. Hein. Bah un peu. J'ai l'impression. Alors là, je m'attendais un petit peu à ça, et puis en fait non, on est revenu un petit peu au classique. Alors c'est édité et développé par Warner Interactive et Traveller Tales, TT Games, qui font tous les jeux Lego. C'est sorti le 27 janvier 2016, c'est un jeu d'action. Et donc voilà, c'est la suite en fait, c'est Lego Avengers, donc c'est un peu la suite de Lego Marvel Super Hero. C'est ça. Exactement. Donc dans l'idée, moi ce qui m'a un peu gêné pour l'histoire, c'est qu'en gros, c'est un gros mélange de... Alors toi tu dois mieux connaître Goustic, c'est des phases qu'on appelle ça. Ouais, exactement. En fait, dans ce Lego Avengers, on va reprendre les deux phases de Marvel, donc la phase première avec Iron Man, le premier Iron Man jusqu'à Avengers, donc de 2008 jusqu'à 2012, et ensuite on a de Thor 2 jusqu'à Ant-Man qui est la phase 2 de Marvel Universe en fait. Et je suis perdu. Ben c'est juste, ça reprend juste les deux phases de Marvel au niveau cinéma. Et c'est au niveau cinéma. Oui, niveau cinéma, d'accord, niveau cinéma. Okay. Hein, d'accord. Parce que c'est à dire en fait, il y avait une séquence genre où ça commence au tout début du 2 en fait, où on est dans la neige et il y a l'espèce de ralenti où on voit toute l'équipe d'Avengers au complet. Donc tu fais cette mission là un petit peu. T'as vu comme on est raccord. Ouais. Et en fait subitement en fait ça ne suit pas un petit peu la trame du 2, c'est-à-dire que tu vas revenir en arrière sur des séquences sur le premier Avengers, Moi, c'est ça qui m'a un petit peu déplu, c'est un petit peu fouillis au niveau de la, au niveau du scénario, en fait, ça. Mais c'est ça le truc, c'est qu'au début, tu refais la séquence dans la neige, tu les vois passer, tu sais, quand ils sont tous, t'as Iron Man qui vole de profil, t'as Hulk qui passe comme ça, dans les airs, tu vois, dans la neige. Tu l'as vu, Avenger 2, au moins, rassure-moi. L'âge, c'est Ultron? L'âge de glace, ouais. L'âge de glace d'Ultron, ouais. Non, je l'ai putain. Non, j'ai regardé le 1, mais pas le 2, parce qu'en plus. D'accord. T'as dû sûrement voir cette image, c'est en slow motion, et tu vois l'équipe Avengers, en fait. Moi, donc, je vois la pub Canal Plus pour leur décodeur, où tu vois l'équipe Avengers, mais ça, c'est le 1, où la caméra tourne, et ils sont tous. Non, bah, ça, c'est dans le 1. Tiens, il y a John qui fait, anecdote pourrie, vous avez prononcé une phrase que Google a interprétée comme OK Google, cela a pour effet de lancer la recherche, et il a cherché le reste de votre phrase. Ah. Et quelle était-elle? Ah bon? Bah après, on en dit tellement de conneries que... Oui, j'avoue, on fait bugger Google. Tu sais, même la Play, la Play, des fois, tu dis rien du tout et puis elle s'active toute seule. Eh ben moi, j'ai remarqué que ça le fait qu'avec des insultes. Bah pas moi. Genre chiante. Oui, eh ben, ça me fait... on avait fait le test, mais je me rappelle. Genre, c'est une console familiale, tu dis chiante, ça te fait... Ok, PlayStation, pour revenir au menu, dites PlayStation. Truc qui a rien à voir. Ah oui, putain, oui, ça me le fait souvent, ça. Quand tu dis chiante, tu verras, t'essaieras. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est que dans l'histoire on picore un petit peu plein de moments quoi. Alors c'est pas désagréable en soi. Tu revis un petit peu des passages de Captain America, de Thor. Je suis très déçu, j'ai pas vu Ant-Man encore. Mais peut-être que, alors après peut-être qu'il sera vraiment très très tard au niveau des heures de jeu, mais après j'ai fini la campagne. Il reste toujours à tout fouiller et tout, mais ça me saoule à force. Bon, le truc c'est qu'il reste énormément de choses à faire parce qu'il y a un hub dans Manhattan, donc un grand menu où on peut se promener librement et ramasser des milliards de petites pièces jaunes. Il y en a 200. T'es en train de me dire que entre Lego Marvel Super Heroes et celui-là, la carte de jeu c'est la même. Ouais, c'est la même. T'as juste des personnages qui se rajoutent au panel, c'est, quoi. C'est tout. Nul à chier. Enfin, c'est juste, en gros, limite, ils auraient pu faire des DLC avec des nouvelles missions, des nouveaux persos pour l'ancien jeu, c'était bon, quoi. Ah bah alors là, tiens, tu fais bien d'en parler des DLC, parce que qu'il y en a. Abusé, quoi. C'est le premier jeu Lego où il y a un Season Pass. Donc un Season Pass pour les auditeurs. En fait, je le dis parce que il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit oui, mais nous on aime bien écouter parce que ça nous fait rire, mais on n'est pas très gamer. Donc essayez d'expliquer les termes. Le Season Pass, c'est en fait quand un jeu sort, maintenant c'est de plus en plus la mode. Quand un jeu sort, il est découpé en petits épisodes, souvent qu'on nous fait payer par la suite. Et si on les prend un par un, genre à 5€, ça nous revient à telle somme. Si on prend le Season Pass en entier, ça regroupe tous les petits trucs, mais en gros, c'est un pack en fait avec tout. Moins cher. Et en fait, il y a un Season Pass. Alors, il coûte 9€. Il coûte 900€. Ouais, bah, tu sais, je me suis dit, est-ce que je la relève ou pas? Ouais, parce que je suis le premier à relever mes bugs. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est sympa, allez, relever. Alors, tiens, on nous dit, météo à gratuitement à Kimiak, nous dit John. Ah, salut à toi, rien que moi. Il fait bonsoir, je suis venu seul. Il y a rien que moi, vous avez une table. Donc, en fait, il s'appelle Rien que moi et il vit seul. Voilà. D'accord. Eh ben, salut à toi, mon poulet. On a une table. Voilà. Mais, voilà. Donc, le Season Pass, il coûte 9 balles. Il y a, dedans des personnages en plus. Sachant qu'il y en a déjà, franchement, si tu fais le jeu tout seul. Enfin. Il y a 200 personnages, quoi. Puis, à chaque fois, il y a des petites itérations. Tu vois, rien qu'Iron Man, il a au moins 10 armures différentes. Ouais. Dans la Hulkbuster. Oh, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a la fameuse séquence comme dans le film où tu tatanes Hulk? Oui. Oh là là. Et en plus, elle est marrante parce que tu sais, il chope Iron Man et il lui met des pêches et il fait dors. Et les Lego, c'est toujours un peu détourné. Et genre la dernière pêche, il lui met une totote en fait. Ah, et pas après, mal, pas et bim, mal, ouais. Il lui met une pêche, il lui met le bonnet de nuit et t'as Hulk qui s'endort. Quoi. Voilà, c'est les pas jeux mal, Lego c'est pas mal, ouais. dans les cool. Lego Seigneur des Anneaux, comment il s'appelle l'elfe. Legolas, il tire pas des flèches, il tire des bananes ou des ventouses pour déboucher les toilettes. Il y a toujours l'univers un peu Lego qui est assez cool. Après, côté gameplay, c'est identique à d'habitude. On casse tout, on reconstruit pour ouvrir des portes et ainsi de suite. Il y a de plus en plus de zones qui sont fermées, donc il faudrait revenir avec un certain personnage. Voilà, des persos, il y en a plein. Enfin, c'est ultra classique dans le déroulement. Voilà, franchement, alors il y avait un compteur. Je crois que je l'ai fini en, je sais plus, 7 ou 8 heures, je crois. Il se fait vite, hein. Tu l'as rushé? Non, pas trop. Non, parce que j'aime bien, tu vois. Alors après, j'enchaînais les niveaux, hein. Rusher, voilà, tu sais, j'ai ramassé les petites pièces, j'aime bien, tu vois. Ce qui est bien et ce qui est pas bien, c'est qu'ils deviennent de plus en plus compliqués. Avant, les jeux Lego, t'étais deux, il y avait deux bonhommes. point. Alors je sais plus quand c'est arrivé, je crois que c'est pour le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter où t'as commencé à c'était Pirates des Caraïbes, je vous dis une bêtise, où tu commençais à pouvoir gérer plusieurs personnages. T'avais une roue de personnages et chacun avait une aptitude. Et ça, je trouve que c'est un peu le bordel. Le truc, c'est qu'il y a énormément de monde à l'écran, vu qu'ils respawnent à l'infini, les méchants. Et il y a des fois, dans la foule presque, on dit, tiens, ici, il faut que ça soit Captain America. Alors, tu switches, tu choisis ton Captain America, t'y vas. Hop, une fois que t'es dessus, tu te fais tabasser, donc t'exploses, donc tu reviens. Et hop, et ensuite, ça te dit, il y a un petit logo qui clignote. Ah, en fait, tu peux faire des attaques doubles. Donc, ça te dit, il faut que tu reviennes, mais avec telle meuf. Non, enfin, tu vois, c'est assez relou, quoi. Tu switches pas mal, et ce qui m'a vachement étonné moi dans cet épisode, c'est qu'il y a plein de moments où tu sais pas ce qu'il faut faire. Ah oui, oui. Ce qu'on te demande. C'est ça. Tu sais pas. T'es vraiment livré à toi-même. Et plein de fois, je me suis dit, mais il y a des gosses, ils vont péter des câbles parce que c'est quand même la cible. C'est un Peggy 7, je crois. Oui, Peggy 7. Ouais. Enfin, tu vois, voilà. Il y a des moments, je me suis dit, mais je suis con ou quoi. Enfin, franchement, même avec Goustic, on est resté bloqué. Ouais, t'as un exemple, par exemple. Vas-y, je t'en prie. Bah, samedi dernier, on avait joué à Avengers et en fait, il y a une séquence. Donc, c'est dans le 2 en fait, où t'as toute l'équipe qui se retrouve dans la tour Stark, qui sont en train de boire un coup. Et alors en fait du coup bon bah tu vois t'as les passants et tout machin, ah c'est génial cette soirée et tout machin, et au final eh bien tu sais pas quoi faire, mais vraiment pas, c'est-à-dire que t'as aucun indice, et en fait quand tu arrives sur des objets en question eh ben ils te disent bah non en fait il faut que tu le fasses avec ce personnage-là en question, seulement dans ton panel de personnages tu ne l'as pas, tu vois, par exemple il y avait une espèce de gros tonneau, enfin de grosse caisse, et il fallait que ça soit Iron Man, mais pas le Iron Man habituel, c'est-à-dire une certaine armure en question. Qu'il faut que tu débloques. Oui, mais ça c'est parce que c'est un niveau rejouable que tu Après, faut penser un petit peu aussi au Petio. Oui, qui, mais je suis d'accord. Voilà. Hein. Je pense qu'ils vont être. C'est hyper frustrant quand même. Mais le truc c'est qu'il y a des moments où tu vois pas. Le truc c'est que plus ça va, plus ça évolue. Plus le visuellement ils sont complexes. Les jeux Lego, il y a gavé d'effets spéciaux, ça pète de partout, c'est très classe. C'est fouillé. Cela dit, mais c'est hyper fouillis quoi. Du coup, bah il y a des moments, au moment on est resté bloqué, on n'avait pas vu que au rez-de-chaussée, tu pouvais rentrer dans une petite alcôve et en te faisant voler. Alors ça j'en parlais. Avec Iron Man, tu pouvais passer à un étage. Mais c'était un peu caché par un poteau, tu vois. Et puis dans le feu de l'action, parce que t'es assailli de drones, parce que dans Iron Man, tout ça, il y a même dans Avenger 2, il y a plein de robots, voilà, bref. J'essaye de pas trop te spoiler le truc. Non, mais vas-y. Mais du coup, il y a des ennemis en quantité, et donc tu vois pas trop le truc qu'on te demande. Il y a des bugs aussi, il y a des moments où on s'est pris la tête avec Mélanie d'ailleurs. Je suis désolé, Mélanie. Je t'aime, bisous. mais je te jure. Et en fait, il te demande d'appuyer sur rond. Et ça marche pas. Ouais. Et en fait, faut faire carré. Faut laisser appuyer sur carré. Bon. Et j'étais là, putain, mais t'es con ou quoi? Putain, mais donne-moi ça, tu sais pas faire et tout. Alors qu'en fait, voilà, c'était au lieu de faire rond, fallait laisser appuyer sur carré. Tu vois, on t'affiche un rond et en fait, faut faire carré. Il y a des moments, Iron Man, quand il est sous sa forme, quand il est Tony Stark, ouais. Il a un petit chalumeau. On te dit de laisser appuyer. Tu laisses appuyer, ça marche pas en fait. Il faut tapoter. Des petits trucs c'est qui hyper chiant, peut-être ouais. Au niveau je pense des traductions des ouais, jeux je pense ça, aussi ouais. Ça a merdé. Donc voilà, okay. En gros ça et puis c'est super relou pour voler, je trouve. Faut faire deux fois X. Ah oui. Alors, oui. Parfois il s'envole, parfois il vole pas et il fait juste un bond d'un mètre et pff, il retombe tu sais avec les poings sur le sol, ouais. Genre je suis un super-héros. Ça c'est un peu relou. Voilà, bon, pour conclure, parce qu'après faut qu'on fasse un petit peu le point sur les streams de cette semaine, dans les plus, rien de plus, rien de moins justement. C'est comme d'habitude, c'est du Lego, tout ce qu'il y a de plus classique. Il remonte un peu la pente après Lego Jurassic World. Franchement, il est assez cool. Et puis, on va pas se mentir, vous me connaissez, moi je suis un vrai affole, un vrai adulte fan of Lego. Et voilà, enfin moi ça me met en transe quoi. Quand le petit bonhomme Iron Man il fait tourner son marteau là, ouah, après il s'envole mon gars. Je trouve ça terrible. Thor. Mais bon, c'est sûr, rien de plus, rien de moins, mais après, bon, voilà, c'est vraiment ciblé pour le gros fan service de Marvel parce qu'il y a un panel de personnages qui sont plus ou moins connus grâce aux films et dans les comics aussi. Est-ce que ça change beaucoup par rapport au cast qu'il y avait dans le Marvel Super Heroes? Il y en a, ouais. Parce que moi, je t'avoue, j'avais pas pu débloquer tous les persos tellement il y en avait, quoi. T'en avais plus de 200, je crois, un truc comme ouais, ça. Ouais, plus de 200, mais là, c'est pareil, je vois pas vraiment la grande différence. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, vous rejouez un petit peu les phases 1 et 2 de Marvel. Il y a un moment donné, à la fin de la phase 1, donc c'est-à-dire Marvel Avengers, il y a un petit teasing, une petite piste qui va vous mener sur un prochain jeu, peut-être un éventuel jeu sur les gardiens. Il est paru dans la presse spécialisée et tout. Et oui. Oui. Alors moi, c'est je vois déjà le Groot en Lego, voilà. Ah oui, non mais ça va être juste énorme. Et puis s'il y a la bande son tellement rock'n'roll, peu rétro, ça pourrait le faire. Oh. Et puis je pense que c'est en raccord parce qu'en 2017, il y aura les Gardiens de la Galaxie 2. Donc reste à savoir qui vont faire le 1 et le 2. Enfin, connaissant Lego, connaissant Marvel et Disney, voilà, ils ont le flair pour ça. Donc je pense qu'il va y avoir un épisode sur les Gardiens de la Galaxie niveau Lego. Yes. Ça, par contre, tu vois, ça me botte. Mais vraiment. Yes. Faut y aller après, par contre. Y a pas de problème. Mais on se fera de toute façon le. Alors attendez, parce que y a rien que moi d'ailleurs qui nous a rejoint. Merci pour le follow. Merci. Merci toi. Alors attends, il nous a dit. Ah, les jeux Lego, j'ai tellement perdu d'heures sur ces jeux, bordel, qu'est-ce que je me suis turlupiné la tête avec certains moments où je suis resté bloqué. Et ouais, non mais c'est clair, et cet épisode est assez dur dans l'idée. Brice, tu... Ouais, bonsoir. Bon, traduction. Ouais, non mais c'est clair. Non, mon ouais. Dieu. Les messages perso, si tu regardes... Ok, bon bref, peu importe. Bon, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Les streams cette semaine, moi demain matin dès 9h30-10h, je pense, je vais continuer Unreveal. Voilà, il y a Goustique qui enchaîne vers 14h. À 14h, on va clôturer la saga Chronicles Assassin's Creed en Russie. Putain, et je vais regarder, je suis trop impatient. Donc voilà, Assassin's Creed Russia demain après-midi. Peut-être après toi, il y aura peut-être Bibine sur Gravity Rush Remastered. Ouais. Jeudi matin, pareil, Unravel. On va essayer de se finir aussi Resident Evil. Ouais. Alors Resident Evil qui est sur le feu et The Witness. Voilà, je cherchais le nom. Ah, tu l'as toujours pas fini. Non, bah c'est hyper chaud. Hein. Ah bah tu m'étonnes. On n'est pas si loin de la fin, mais c'est chaud. Il y a ça en prévision. Alors je le récupère fin de semaine, mais il y a un embargo, donc pas de stream de Street Fighter avant mardi prochain. Mais mardi matin, soyez au rendez-vous, on va se foutre sur la gueule sur Street Fighter 5. Ça va être terrible. Et puis voilà. Bon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Voix du Geek avec un E, Facebook, Twitter. Les replays sont disponibles dès le mercredi matin sur PodCloud, c'est gratos. Vous avez juste à mettre un mail seulement si vous voulez vous faire des playlists et nous écouter pendant 8 heures à la suite. Sinon, juste pour écouter un morceau, un épisode, ça passe. On est aussi sur iTunes. On est en train de monter le site internet de La Voix du Geek, donc on vous prépare plein de vidéos, plein de conneries. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je pense, ouais. Ouais. Je pense, donc je suis. Exactement. Sopalin, 1912. Monsieur Sopalin. Monsieur Sopalin. Bon, bah voilà, les chéris. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah non, c'est tout. Et allez voir Deadpool demain. Et allez, pas parlé. Demain, il y a Deadpool qui sort au cinéma. Il va falloir trouver un créneau pour y aller. On va essayer de vous en parler demain. Mardi prochain, pardon. Mardi prochain, ouais. Et mardi, alors si c'est possible, parce que voilà, plus il y a de monde dans une émission, plus c'est chaud de rassembler tout le monde. Mais normalement, mardi prochain, on fait enfin l'intronisation de Kogu et de Tagazu. Donc soyez au rendez-vous, on va se marrer. Franchement, il y aura toute une mise en scène et tout. On devait la faire aujourd'hui, mais ça n'a pas pu être possible. Donc mardi prochain, sans faute. Même s'ils sont pas là, j'introduis quand même. Voilà. J'introduis dans le vent. On dirait j'aime pas beaucoup. Qui, mais... j'introduis quand même s'ils sont pas là. Allez, on vous fait des bisous. Passez une bonne soirée sur Ode Radio. Puis nous, on se retrouve mardi prochain à 19h sur la bande FM. Allez, bisous, bye bye. Ouais, ciao, ciao. Ciao. Vous écoutez Ode Radio sur 91.3. 91.3.